Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas été pendant la semaine. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le nombre s'est augmenté. Nous sommes là. Toi qui n'as pas eu le temps d'être avec nous pendant la semaine, suivez notre manière. Fuata namna yetu. Mutkutina. Muntu ashikimbie. Mutkutina. Muntu ashikimbie. Frère Raymond est déphasé. Ndugu Raymond fait la marche nyuma. Attends. Tu connais? Ndio. Il était jeune, il était trop barbu. Oui, oui. Tu es marié? Dio, oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Frère de combien d'enfants? 4. Oui. Vraiment. Dio. Où est la femme de Job? Bien qu'il y ait un doux Jean et quoi? C'est Job, non? Jean. Jean. Oui. Elle est où? Et quoi? Elle est là. Elle est là. À la chorale? Non, comme Congo, pas. Je la vois pas? Sa mère. Ah, oui. Oui, oui. Oui. Ok. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons Mujina la bonne avec Jésus-Christ. Abari. Comment vous allez? Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Recevez les salutations de mes frères et sœurs. Pokieni salamu ya banduku na badada. Qui vous aime tant? Bale bane mipenda sana. Il y a le frère Marc de Boma. Kuko nduku Marc wa Kuboma. Il y a la sœur Ida Mwaka de Boma. Kuko dada Ida Mwaka wa Kuboma. Il y a la sœur Fanny Chimbembe de Lubumbashi. Kuko dada Fanny Chimbembe wa Lubumbashi. Il y a le frère Simon qui est pasteur à Luango. Kuko nduku Simon u mwenye kwa pasteur ku Luango. Là chez nous. Kule kwetu. Il y a le frère Bakulu Joseph. Nduku Bakulu Joseph de Boma. Wa Kuboma. Il y a la sœur Henriette. Dada Henriette de Matadi. Wa Kumatadi. Il y a la sœur Bienvenue Mabiala. Dada Bienvenue Mabiala de Boma. Wa Kuboma. Frère Mbadu de Mwanda. Nduku Mbadu wa Kumwanda. Sœur Yuyu Vangu de Boma. Dada Yuyu Vangu wa Kuboma. Frère Florent l'ancien à Kolwezi. Nduku Florent mzee ku Kolwezi. Frère Makiki diacre à Luambo. Nduku Makiki shemashi ku Luambo. Frère Dada Tsakala de Boma de Matadi. Ndugu Dada Tsakala wa Kumatadi. Tous vous saluent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bote banimsalimu mujina la Bwana Yesu Kristo. Maranatha. Maranatha. Amen. C'est vrai que chaque chose qui commence, il a toujours sa fin. Kile kitu kinaanzaka kyote kinakala na mwisho. Je suis ici depuis le lundi. Niko hapa tangu mkazi moya. Donc aujourd'hui c'est la fin. Nikusema leo ni mwisho. Na tunaweka mkato. Nous mettons d'abord un point virgule. Tunaweka kwanza mkato pale. Demain, si Dieu le veut, kesho ikipendeza Mungu, je pourrais aller à Kasumbalesa. Mitaweza kwenda ku Kasumbalesa. Donc, pensez à moi dans vos prières. Kusema munikumbuke mu maombi yenu. Kambove, vraiment c'est chez moi. Kambove kweli ni kwangu. Je me sens très à l'aise. Mine jishikia tu mzuri sana huko. Quand je vois encore les gens, les kama Alexis, tunaona ndugu Jean, ndugu Alexis, tous les autres là, na bengine bote. Ya honore que je n'ai pas vu. Kuko honore ule mishiaona. Le frère honore. Nduku honore. C'est lui que je n'ai pas vu parmi les jeunes. Yenjo mishiaona katika chama kwa. Barianza kunitembelea zaidi. D'ailleurs, il fit mon coiffeur. D'ailleurs, alikuwa kwenye nikata na nywele. La femme de frère honore là. Dada mke wa nduku honore. Elle aussi, elle travaille peut-être parce que je l'ai pas vu. Je pengine kuna tumika ashwe atumoe. Elle n'est pas là. Ah, na hapo. Elle est là. Ah. Je crois que j'aimerais la rencontrer après le Nazani, moment presque des célibataires. Sasa bote que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il faut dire du bien. Inapasha kusema quand il est encore vivant. Il n'a pas ce que c'est ma mema ya muntu wakati ingari mzima. Ce n'est pas quand il est dans le secret. Hapana pale ko mshando. Oh, il était ceci. Oh, alikuwa kaivi. Il était cela. Oh, alikuwa kaivi. Mais quand il était vivant, jamais il a témoigné de lui. Mais wakati alikuwa mzima au ya kushuhudia kata kimoya. Ce n'est pas juste. Aina mzuri. Et je jette des fleurs à mon frère Ngoi Pierre. Na ninatupia maua ninashukuru sana ndugu yangu Ngoi. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Mungu amubariki kweli kweli kwa utajiri. Richement. Amubariki kwa utajiri. J'ai senti qu'il m'aime. Nirishikia kwamba ninipenda huyu ndugu. Et moi je l'aime aussi. Na mimi namupenda. Il me laisse l'église. Aniniatia makutano. C'est rare de pasteur. Ah, hii kawaida mu. Il me laisse chez lui. Aniniacha kwake. Ah, Cette confiance, je ne sais pas. Hii tumaini mishijui. Je vais avec un très grand témoignage. Naenda na ushuda munene kabisa. Que soit sa femme, ses enfants. Wala ba bimuke wake wala watoto yake. Quand je sors, je rentre, le lit est très bien là. Wakati mimi natoka mimi naenda kwa tukubesha kutengeneza kitanda mzuri kabisa. Je suis propre, je suis sain. Niko wa chafu au niko wa propre? Est-ce que je suis sain? Est-ce que je suis sain? Ah. Mimi mpe toi? Niko wa propre. Et ça c'est grâce à. Na hii ni juu ya hii jamaa. Na Mungu ababariki kwa utajiri wote. Hauna furaha sema Mungu ababariki. Mungu shababariki. Amen. Na Mungu abariki ndugu Jose. Alikuwa pamoja nami mzuri kabisa. Bashemashi bote. Kwaya. Mungu abariki kwaya. Amen. Et ma sœur na dada Esther. Esther. Na dada Esther. Avec sa batterie. Na ile drum ya guitare, je ne sais pas écouter. Ma guitare mais je suis chiqué. Frère Jean. Tu es où? Ndugu Jean. Ah, yeu. Quand je suis entré, j'ai vu les guitares là. Wakati miringia mire ona ma guitare kwa pembeni pale. Ya iko ki. Ah, ya iko. Ah, pourquoi que mon tactique. Maintenant il y a moyen. Sasa kuko namna. Ya moyen maintenant. Kuko namna sasa. Où est notre directeur de chant? Muongoze tu mimbo iko api? Juste strophe là. Tenez complet. Ni mubebe kumbele ma guitare yenu. Les fanfares. Bale baba kibakyo. Les trompettes là, les sifflets. Bale baba kibakyo, bale baba na ma frime. Je veux un peu entendre. Mimi napenda kwanza nibashikie kwanza po po po. Le marcas. Na ma bishu michakala kama mimi napenda bale baba iko navyo. Ushugu na michakala yako. Ndio niweka chini. Korali iko tayari. Nous tous nous voulons un peu chanter le Seigneur. Si wote tunapenda kwanza kumsifu Bwana. Bwana nipeleke. Je connais pas. Mishi Dieu mzuri. J'aime cette chanson. Lakini mimi naipenda sana hii wimbo hii. Je vous ai trouvé danser. Nilimkuta mimi unacheza. Mungu na yeye. Seigneur. Juu ya Bwana. Que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Tout ça c'est pour que nous puissions nous chauffer. Yote ile juu tupate kujiweka mkifukutu. C'est lui qui veut manger et toujours comment dans la joie. Ule anapenda kutika iko paka mfurahi. Acclamons pour notre Dieu. Que Bwana Mungu. Malgré le stress. Ata makusongwa. Mutkutina. Mtu ashikimbie. Malgré les déceptions. Ata makupatikupezeleso. Mtu ashikimbie. Malgré les maladies. Ata magonjwa. Mutkutina. Mtu ashikimbie. Nous devons témoigner. Mtu unapasha kudumu. Dans la parole. Ndani ya neno. Amen. Amina. Quand tu trouves quoi quelle difficulté? Ata unapata magumu kani? Dis en toi-même. Wewe sema ndani yako wewe mwenyewe. Mutkutina ve. Mtu atamwe ashikimbie. Mutkutina ve. Mtu ashikimbie. Nous devons continuer à affronter les démons. Wakati yote tunapaswa kwenda kukombanisha mapepo mchafu. Mais en Jésus Christ. Lakini ndani ya Yesu Kristo. Nous sommes plus que. Tuko ba kuna bizitisha hata bashindaji. Toi qui n'as pas répondu nous reprenons. Wewe ule au kujibu tunazurule. Tunazidi bashindaji. Vrai ou faux? Kweli au bon. Tu es prêt? Uku tayari. Twende. Congo central. Dweri Congo central. Ça c'est le Congo central. Hii ni Congo central. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Ça c'est Congo central. Hii tu ni mu Congo central. Et là chez moi c'est Kambou. Na kwangu kuli ni Kambove. Et vous dans la joie. Et tu mungu mufura. La Bible dit. Biblia inasema. C'est lui qui est dans la joie. Ule ko mufura. Qu'il se fâche. Ashirike. Il fasse quoi? Afanye nini? Qu'il chante. Aimbe. Amen. Amen. Frère José. Duku José. Moi je commence. Sasa njo mimi naanza. Chrono ni hapa sasa mimi naanza. C'est clair, non? Eh, shikwazi. Les diacres, c'est clair, non? Eh, bashima shikwazi. OK. Nous sommes là. Tuko pale. Vous qui étiez pendant la semaine, notre petit sujet c'est quoi? Moi, vale murugwa mujuma, china yetu ni nini? Les petits enfants. Et mardi, mercredi, jeudi, c'était quoi? Mardi, mercredi, jeudi, quoi ni nini? Jua nini? Jua nini? Touchi mama. Mettons-nous debout. Nous lisons dans Marc chapitre 10. Tunasoma mu Marko 10. Verset 13 à 16. José peut nous les lire. Duku José anaweza kutusomea. Et notre deuxième lecteur peut nous lire 1 Jean 4. Na msomaji wa pili anaweza kusoma mu Yohane wa kwanza 4. Verset 4 à 6. Kuanzia kumstari ya 4 kufika ku 6. Marc chapitre 10 verset 13. Marko 10:13 kufika 16. On lui amena des petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Nous prions d'abord. On s'assoit afin. Père Céleste, Baba wa kumbingu, merci pour ce temps que tu nous accordes. C'est ta grâce pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Pardonne nos fautes. Bénis ce moment. Bénis la présence de chaque frère et soeur. Bénis les petits enfants parmi nous-mêmes, le bébé. Éloigne-nous de tout ce qui est contraire à ton esprit. Guéris les malades parmi nous. Celui qui est venu malade. Qu'il croit que toi tu guéris. Que tu t'appelles. Toi, démon de maladie. Sors dans le corps des enfants de Dieu. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Donne la foi à celui qui est malade. Qu'il croit qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est lié par des démons. Soit délié au nom de Jésus-Christ. Démon de mensonge. Démon de publicité. Démon d'adulté. Démon d'incrédulité. Démon de tétitesse. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Aksanti Baba. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Tout démon qui dérange tes fils et filles. Pepo mchafu yote kuna zuru watoto yako banamke na banaume na ile vinshikutai. Démon de stérilité. Pepo mchafu ya utasa. Sors dans le nom de Jésus. Mutoke mujina la Yesu Kristo. Seigneur, one. Soutiens chaque travail de ton fils et fille. Usaidie kila kazi ya mtoto yako mwanaume na mwanamke. Celui qui n'a pas encore trouvé de l'emploi. Na ula shiapata kazi. Accorde-les lui. Umupatie yako ile kazi. Seigneur, one. Celui qui cherche à se marier. Ule bana tafuta kuoa. Il manque de moyens. Na anakosa manamu. C'est à toi partir l'or et l'argent. Ni kwako ndio dhahabu na fedha. Accorde-les lui, Seigneur. Upate kumupatia hayo Bwana. Bénis les jeunes filles. Bariki babinti. Qu'elles persévèrent dans la parole. Upate kudumu ndani ya neno. Bénis les jeunes garçons. Bariki babiana. Qu'ils persévèrent dans la parole. Badumu ndani ya neno lako. Augmente la crainte. Ongeza boka ndani ya kila mmoja. Gloire loi soit rendue à toi. Utukufu na sifa kwa Mungu. Dans le nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. 1 Jean 4. 4 verset. Yohana kwa simu. Verset 4. Mets-toi debout. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Muko ba Mungu. Et vous les avez vaincus. Na muri bashinda. Parce que celui qui est en vous. Le nom j'ai oublié. Frère Jonathan. Oui. On n'est pas, on ne vous suit pas. Allez-y. Mwende, pole pole. Si vous pouvez reprendre. Kama mnisi kwa nzulula. Vous, mweye, petits enfants. Batoto kidogo. Croyez-vous que vous êtes des petits enfants? Nous sommes des petits enfants. On a mis à quoi batoko batoto kidogo. Vous êtes des dieux. Uchunga ukidogo. Ni nani yule na carte de lecteur? Naisha kukomea. Mon frère bien-aimé commandant. Sa ndugu yangu commandant. Ni mishe kama iko na carte de lecteur yake. Ya sa carte de lecteur. Ule kona carte de lecteur yake. Akona kutu. Ndugu tu mwenye kukomea hako. Au balcon. Mesha komea. Ego mwenye komea zaidi. Eko hapo. Akuna mtu tu yuko na karte. Nduku ukuye. Pale we endelesha kusoma. Vous êtes des dieux. Mwye mukuba Mungu. Et vous les avez vaincus. Na muri bashinda. Parce que oui ou non. Mukuba Mungu au apana. Qui est le Dieu? Eko, ni nani kwa Mungu? Alléluia. Amina. Qui t'a choisi pour être de Dieu? Ni nani arikuchakula njoo upate kwa wa Mungu? Hakuna mtu. C'est Dieu qui l'a voulu. Ni Mungu tu alipenda vile. Acclamons-le encore très fort. Tumpikie tena mikono zaidi. Ndio mon ndugu friend. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sababu ule kondani yenu. Ni kweli au bon. Inapasa kusema amina nguvu kabisa. Celui qui est en vous. Ule e kondani yetu. Et plus comment? Eko je. Et plus puissant, et plus comment? Eko je. Et celui qui est dans le monde. Kupita ule e kwa dunia. Ni nani kwa dunia? Diable. Ni shetani, ni shetani. Ni Lucifero. Qui nous intimide parfois. Anikalayo ne tuletesha boka saa ingine. Lakini, Yohani. Mwenye kusukuma na Roma takatifu. Anasema. Celui qui est en nous. Ule kondani yetu. Qui est en toi. Ule kondani yako. Qui est en moi. Eko ndani yangu. Et plus puissant. Eko wa uwezo zaidi. Le démon de maladie. Kupita ma démon ya maladie. Ne peut pas dépasser notre Seigneur. A Yesu kupita Mungu Bwana wetu. Il les a vaincus à la croix. Arishinda kumusalaba. Il a crié comment? Kulari la lamika je. Tout est là. Yote imetimizwa. Tout est là. Yote imetimizwa. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin s'il ne répond pas. Dis-lui que. Sema na jirani yako leo asijimwage. Si chitu napenda kujibu. Celui qui a bon cœur. Chitu napenda kujibu. Nous devons répondre. Chitu napenda kujibu. Kama banituuliza. Très bien. Ndio. Nous sommes là. Tuko pale. Oui, frère. Ndio. Eux, Bao, ils sont du monde. Ni ba mudunia. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Joko ah. Manabeko nasema kufuatana na dunia. Et le monde les écoute. Ula shiwe Yesu. Il est encore dans le monde. Engari mudunia. Alors ne suis pas son langage. Sasa hapana kufuata msemeo yake. Ne suis pas ses habitudes. Hapana kusema kufuata mazoezo yake ya kigiza. Il ne connaît pas ce que toi tu connais. Ashijui ile wewe unajua. Fais attention à un ami. Hapana kwenda kufuata na rafiki ule anaweza kuharibisha imani yako. Qui marche avec toi? Ule uko natembea na wewe. Qui cause souvent avec toi? Ule uko nasungumza nawe zaidi. Ndio ndo. Nous. Nous sommes des dieux. Tuko ba Mungu. Suivons bien là-bas. Tufuate mzuri pale. Nous, oui. Chi. Nous sommes des dieux. Chi, tuko ba Mungu. Celui qui connaît. Attendez. Chunga mbele. Disons comme ça. Moi. Nseme, miye. Je suis de Dieu. Niko wa Mungu. Reprenons-moi. Tanzulule mi. Je suis de Dieu. Niko wa Mungu. Tu peux dire amen. Unaweza kusema amina. C'est la vérité. Ni bien quoi? Mushi isabu. Hapana kushuhudia. Qui est de Dieu? Ni nani yuko wa Mungu? Nous sommes de. Shiko wa Mungu. Alléluia. Amina. Oui. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ule eko wa Mungu. Anamujua Mungu anitushikia. Celui qui connaît Dieu. Ule eko wa Mungu nous écoute anetushikiaka nous chie vos serviteurs. Batumishi yenu. Le frère Branham poussé par le Saint-Esprit. Ndugu Branham mwenye kusukuma na Roho Mtakatifu anasema. N'écoute pas un serviteur de Dieu. Kama aushikie mtumishi wa Mungu. N'écoute pas ton pasteur. Kama aushikie mchungaji wako. N'écoute pas le conseil de Dieu. Kama aushikie shauri ya Mungu. Kuna kuisha. Tu es dans une pente. Uko matelo. De la mort. Ya lufu. Il faut écouter le conseil que le serviteur de Dieu. Inapasha kuleta shauri ile mtumishi wa Mungu iko naleta. Ça nous apporte quoi? Iko nakuletea nini? Bujima. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ule hana wa Mungu hasitetushikia. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Joko pale tunajuia roho ya ukweli na ya kosa. Quand nous vous conseillons. Wakati tu nimshauria. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Uko na mambo mjama. Nous venons. Tunakuya. Nous vous donnons les conseils. Tunemipatia shauri. Les conseils de réconciliation. Shauri ya upatanisho. Tu refuses. Unakatala. Qui va jusqu'au tribunal déclarer quoi le divorce. Unenda na ku tribunal juu ya kuvunja ndoa. Haina mambo. Tutaelewa tu. Que tu n'es pas de Dieu. Asema una wa Mungu. Parce que qui est de Dieu. Kwa sababu mwenye kwa wa Mungu. Anetushikiaka. Et ici na anejinyenyekeza mbele ya shauri ya Mungu. C'est bien pénétré dans nos oreilles. Inaingia mzuri mmashikio yetu. Donc si toi tu n'écoutes jamais le conseil de Dieu. Nikusema wewe kama ushikie yake shauri ya Mungu. Tu es en conflit avec ton frère. Uko mkokotano na ndugu yako. Tu es en conflit avec ta sœur. Uko mkokotano na dada yako. Tu es en conflit avec ton papa. Uko mkokotano na mzazi yako. Ta mama. Wala mama yako. Ta femme, ton mari. Mke wako wala bwana yako. Si tu es de Dieu. Kama uko wa Mungu. Là tu vas sortir ici. Wakati utatoka hapa. Tu vas dire Seigneur. Utasema Bwana. Je vais aller me réconcilier. Mimi nakwenda juu nipate kupatanishwa. Mais si tu ne veux pas. Lakini kama upendi. Nous comprendrons ne ya moi. Tutaelewa kwani kweli. Même si tu fais des songes que ça accomplit. Hata kama uko nafanya mandoto ile iko natimizwa. Uko na maonyo ile iko natimizwa. Uko nafanya maunabii. Tabiri. Na kama unaomba. Tu peux sauter même à 4 mètres d'auteur. Unaweza kuluka hata kwa metre 4 hapa hivi. Una kama unaomba. Na yenye moto iko natoa mkinyo yako. Tutaelewa. Asema hauna wa Mungu. Kwa sababu wa Mungu. Nous écoute. Anetushikiaka. Celui qui est de Dieu fait quoi? Ule wa Mungu anafanyaka nini? Sasa. Sasa barasema tuko batoto kiloko. Tunasema tuko batoto kiloko. Ndugu kui. Ndugu na wewe tufuate. Turisema tuko batoto kidogo. Huko mwenye kuo. Uko na mbele. Nilipenda koba. Beko benye kukomea. Sawa. Aina mambo. Soma kwa jina yake. Wewe aone vizuri. Sini kia ni bonne vision. Ni nani yule anaweza kuona mzuri? Non, si on vient nous faire la patrouille ici. Sasa kama na wakati fanya patrouille. Mwa muna na makarte directeri. Chi chi bote. Oui frère, lisez-nous. Ndugu utusome kwende. Pole pole nchina. Nchina kufuatayo na prénom yake. Ngoi. Non, il s'appelle jina yake ni Ngoi. Ngoi. Ndugu Ngoi. Notre frère s'appelle Ngoi. Ndugu yetu jina yake Ngoi. Attendez. Ngoi ici. Hapa Ngoi eti ni bébé. Il est bébé. Eti ni bébé. Il est un petit enfant de l'école primaire. Ni mtoto mchanga wa kuprimer. C'est un adulte, n'est-ce pas? Chini mtu mkubwa. C'est un adulte. Chini mtu mkubwa. Ok. Oui. Tuendele. Ngoi Banza. Banza. Banza, c'est le poste. Non? Banza, oui. Jonjini ya kufuati. Oui. Hein. Patrick. Patrick. Frère Patrick. Hein? Duku Patrick. Très bien. Donc. Maintenant. Sas. On lui a demandé. Bari muliza. Ngoi. Wengoi. Banza. Patrick. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Batamuliza nini? Batamuliza chic. On va lui demander. Kisha. Qui est fils de qui? Uko mtoto wa nani? N'est-ce pas? Njovi. Frère José, on t'a demandé ça. Ndugu José Barcolomba fi. Uko mtoto wa nani? Commandant. Commandant. Uko pale? Hein. Chez maman un peu. Mettez-vous debout. On t'avait demandé. Je parle pour Lisa, c'est moi ou Toto Anani. Voilà. On dit. Malgré son âge. Ata qui pi moyake. Mais on lui a demandé. Je parle pour Lisa. Qui assiste. Asema ou comme Toto Anani. Y a une maman avancée pas. Pourquoi maman mouye, vous comme yako? C'est tellement nous tous. Ninchu ya Shibo. On nous a demandé. Shibo, t'es quoi? Cette fille de qui? Baritulisa, c'est mon oko binti wa nani, oko mtoto. Nous tombons d'accord. C'est Shibo, t'es tout na sikilizana. Nous tombons d'accord. Shibo, t'es tout na sikilizana. C'est une maman qui avait 94 ans. Miro, naka maman mouye, qu'on a miyaka 94. Nous lui avons demandé. Tu na moulise. Toi, tu es fille de qui? Oko mtoto wa nani. Et n'a pas de rétorquer. Yeye, ashku jibo. Ashku sema pa. Je ne suis pas fille. Miye, shina binti. Elle a accepté. Nas arichika. Je suis une fille de... Lui, le fils de Ilunga, Ilunga et Makungu. Ilunga Makungu. Et fils de Ilunga. Ilunga. Ni mtoto mwanaume wa Ilunga. Son père c'est Ilunga. Baba yake ni Ilunga. Ndio fils. Sa mère Makungu. Ah, tu ne dirais pas qu'elle est déjà morte. Ah, tu as semé ça kufuaka. Ou papa est déjà mort. Ah, c'est baba déjà kufu. Tu dois fournir ça à sa mère. On a pas ça kuleta ile habari ile. Chacun sur la terre. Kila mutu pa dunia. Est fils de quelqu'un. Ni mutoto wa fulani. C'est clair, hein? Shinto vile. Merci, Fengo. Accent in dubia. Pour dire que. Dieu a kusema. Nous tous sur la terre. Shebote pa dunia. Nous sommes tous des enfants. Batoto. Celui qui a compris peut dire amen. Oula, n'est-ce pas qu'elle est, on a essayé ma mamie, on a essayé ma commune. Un peu Matthieu 6. Mutu somme eko Matayo Sita. Verset 9. Mustari a mtisa. Pour Dieu. Dieu a mungu. Tout ce que lui qui est sur la terre. Qu'il soit roi. Awe mfalme. Qu'il soit riche. Awe mtajiri. Qu'il soit pauvre. Awe maskini. C'est un enfant. Ni mutoto. C'est pour cela qu'il va nous enseigner. Comment devions-nous prier? Namna kani tunapasha kuomba. Matthieu 6, verset 9. Matayo sita mtisa. Voici donc comment vous devez prier. Ah, tazama kumbi vile munapasha kuomba. Ça, l'unique prière. Maombi tu mmoja. Que le Seigneur Jésus sur la terre. Ile Bwana Yesu pa dunia. Pendant qu'il était là. Wakati alikuwa hapo. Qu'il va nous enseigner. Ile alitufundisha. Voici asema, comment vous devez prier. Muone namna munapasha kuomba. Ça, il n'a pas dit qu'il n'est pas pour le peuple d'Israël. Ashikuseme paka njuu ya taifa ya Israeli. Là, il n'a pas dit seulement pour le blanc. Aikuiseme jutu ya bazungu. Ou pour le noir. Wala abeushi. Mais c'est pour l'humanité entière. Lakini ni njuu ya ulimwengu mzima. C'est pour toutes les générations. Ni njuu ya bizazi vyote. C'est clair, hein? Oui, frère Jonathan. Dieu, Jonathan. Notre Père qui est au ciel. Il dit. Anasema. Notre Père qui est au ciel. C'est comme Baba ça. Baba yetu uliye juu mbinguni. Quand vous voulez prier. Wakati munataka kuomba. Il n'a pas dit quand nous devons prier. Ah, je sais mais wakati tunataka. Yeye alijitosha hapo. Il sait du souci. Alijitosha hapo. Parce qu'il savait qu'il est le Père. Kwa sababu yeye yuko baba. Aliyosema yuko baba. Nous devons adresser. Kwake yeye tunapasha kuleta maombi yetu. Aishikusema. Asema munapasha kuomba hivi na Vierge Marie. Asema wewe Bikira wetu Maria. Asema mwenye kujaza na baraka pana. Ni Maria toujours vierge juste. Maria ingari mwenye Bikira na sasa. Chari zala batoto bengine na Joseph. Voilà ce qui nous a pris. Jovile aritufundisha na tunapasha kwa baba yetu. De génération en génération. Mubizazi na bizazi bingine. Nous disions notre père. Tukunasema baba yetu. Il reste notre père. Yanabaki baba yetu. Il y a qu'un seul père. Huko tu baba moja. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est lui notre père. Niyenjo baba yetu. Qui était mort. Yarikufa. Qui est ressuscité. Anafufuka. Et qui est vivant au siècle des siècles. Eko naishi milele na milele. Nos parents. Baba yetu. Ils ont un temps limité. Beko na wakati ya mfupi. Plusieurs parmi nous. Ba mingi katikati. Ici. Hapa. Nos parents ne sont plus sur la terre. Bazazi yetu abana potena pa dunia. Ils sont morts. Banesha kufa. Et même si aujourd'hui nous sommes des parents, na hata kama leo mais si nous continuons à vivre, kama tunaendelea kuishi, nous disparaîtrons. Tutapotea. Nous sommes là. Tuko pale. Mais lui est toujours là. Lakini yeye yuko tu hapo. Nous sommes que des enfants. Chie ni watoto tu. Qui croit qu'il est un enfant? Nani anaamini asema yuko mtoto? Nous sommes que des enfants. Tuko tu ni watoto. Nous avons dit ce jour-là. Turisema ile siku. Les petits enfants sont comment? Batoto kidoko beko je. Ils sont humbles. Beko banyenyekevu. L'enfant est humble. Mutoto eko munyenyekevu. Quand nous avons lu dans Isaïe 53, wakati tulisoma mu Isaya 53 mstari ya 4, et Philippiens 2 verset 8, na wa Filipo 2 8, nous avons vu là-bas que l'enfant est humble. Tulisiona mule asema mtoto eko mnyenyekevu. Bwana Creator, muumbaji. Wakati alikuwa hapa dunia, ni unyenyekevu kani. Lakini leo, les hommes de Dieu, bantu ya Mungu, beko na vimba. Beko na vimba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils prennent des levies. Juu kwa sababu beko na beba levi chacho chacho. Japo chacho levi. Inegale na vimbisha. Unaona mkate munene. Unaweza sisi ni mkate munene. Me ishmusha kuyana paka mpepo. Kama unaivinya. Ni mpepo tu. Na mtu anasema mtu wa Mungu. Anavimba. On le glorifie. Bana mutukuza. Oh. Oh. Ni mpepo tu ile. C'est un ballon. Hii ni yako tu ni football. Comment le trou là-bas? Baende tu bakaitobole kipompa. Ya mpepo yote itaisha. Ça sera plus gros tel que c'était ce ballon. Akita kwa tena kinene vile kilikuya kipompa. Kitashuka. C'est ça? Njo vile. L'orgueil. Uka kiburi. Sur la parole de Dieu. Yulia neno la Mungu. Ye mwenyewe. La parole. Neno. Lui, la parole. Ye mwenye neno. Comme Jean le décrit dans Jean chapitre 1. Paka vile Yohane kona mukita ya Yohane ya kwanza. Sema yenjo aliumba kwa njia neno lake. Tout ce qui se voit. Biote bilibi kunonekane. Et ce qui est invisible. Na bila bionekane. Cela a été créé par sa parole. Biliumbwa na neno lake. Mais quand il était sur terre. Wakati alikuwa pa dunia. Quelle humilité qu'il avait. Unyenyekevu kani yule alikuwa nayo. Les gens avaient difficile à le reconnaître. Bantu barikoa bilikoa bigumu njoo kumtambua. C'est pour cela que ce jour-là. Njoo kama na ile siku. Il faut prendre Judas Iscariot. Batabeba Yuda Iscariot. Pour qu'il leur montre. Njoo enda kabaoneshe. Il est où, lui Jésus? Eko wapi yeye Yesu? Il croyait cette Pierre. Boba riwaze sema ni Petro. Ou Matthieu. Ah, Matthieu. Mais quand ils ont vu Judas. Lakini wakati barimona Yuda. Aller embrasser Jésus. Anaenda kukumbatia Yesu. C'est le code qu'il les avait donné. Njo ile code alimupatia. Alipatia. C'est celui-là Jésus. Asema njo ule Yesu. Il était tellement simple. Arikuya mnyenyekevu kabisa. Humble. Mnyenyekevu. Ce n'est pas que quand on te dit il faut être humble. Aina sema kamba anasema sasa il faut kuwa mnyenyekevu. Il faut commencer à marcher. Inapasha wanze. Tembe, avec les mains pa deux yeux courbés, macho chini, tu marches à petit pas. Kuna tembea tu mimatua tu loko hapana. C'est pas ça l'humilité. Aina njo unyenyekevu. L'humilité. Unyenyekevu. C'est accepter la parole de Dieu. Ni kuchika et vivre la parole de Dieu. Na kuishi neno la Mungu. C'est là l'homme humble. Njo mtu mnyenyekevu. Je n'ai pas encore eu mon baptême au nom du Seigneur Jésus. Mimi sijapata ubatizo wangu mjina la Yesu. Dans l'eau. Mu maji. Ah, je trouve que je dois me faire baptiser. Mimi nasema batapaswa kunibatiza. Tu es humble. Uko mnyenyekevu. Mais quand tu ne te fais pas baptiser. Sasa kama hujibatizishi. Tu n'es pas humble. Hauna mnyenyekevu. Hata kuna tembea mikono pa kilani. Marche à petit pas. Kuna tembea na tumatu watu loko tu. Tu es orgueilleux. Uko tu mwa kiburi. Quand tu ne confesses pas tes fautes. Wakati aukiri makosa yako. Quand tu ne sais pas demander pardon à ton frère. Wakati aujui kulomba kwa kulomba. Ule urejeza kusingizia. Tu n'es pas humble. Hauna mnyenyekevu. Tu es orgueilleux. Uko mwa kiburi. Le Seigneur était très humble. Bwana alikuwa mnyenyekevu sana. L'enfant, mtoto, est toujours humble. Eko upaka mnyenyekevu. Mais l'orgueil, qu'est-ce que ça mène à l'homme? Lakini kiburi kinaletaka nini kwa mtu? Dans Proverbe chapitre 5. Mumezali 16. Verset 18. Kumi na nane. Il y a un petit garçon ici. Kuko mtoto kidogo hapa. Si on peut me l'amener. Banesi kumniletea hii. Hier, j'avais demandé à frère Paulin, sœur Paulin. Je crois que c'est Paulin. J'ai demandé qu'on m'amène un petit garçon. Il est là. Il est là. Il n'y a pas un petit garçon. Ah, je vois un là-bas. Ok. Viens. Proverbe 16. L'arrogance précède la ruine. Kiburi kinatanguliaka kuanguka uharibifu. L'arrogance précède la ruine. Kiburi kinatanguliaka uharibifu. Et l'orgueil précède la chute. Na majivuno inatanguliaka kuanguka. La chute. Kuanguka. Quand tu as la fenêtre au-dessus là-bas. Wakati uko pale pa dirisha yulu pale. On te pousse. Bana kusukuma. Tu tombes à chute. Unanguka. Tu vas te relever vraiment. Utashimama kweli. Tous tes membres. Na, au grand complet. Binyekuniana. Difficilement. Ah, bitakuwa nguvu. Soit le bras va se fracturer. Wala ni mkono ndio utavunjika. Ou la jambe. Wala ni mkulu. Ou la nuque. Wala ni shingo. Kambov, nous sommes là. Kambov, tuko pale. Oh, il n'y a aucun diacre qui l'accompagne. Comment vous le laissez comme ça? C'est un enfant, il peut être complexé. Dans Proverbe 18, verset 12, écoutez, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant que l'homme chute, il commence à se faire voir. Il est l'unique, le grand prédicateur. Il croit être l'unique dans l'église. Il croit l'unique fort. Il n'y a que moi qui porte de beaux habits. Qui coûte énormément cher. Oh. Oh. Quand il commence à se lever, nous sommes là. Avant ta ruine, le cœur de l'homme se lève. Avant ta chute, il y a l'orgueil qui commence. Il commence à s'enorgueillir. Même pour parler, il change la manière de parler. Même pour marcher, il change sa démarche. Il commence à se lever. Satan commence à se lever parmi tous les anges. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, ça, mais l'humilité précède la gloire. Quand tu t'humilies, il y a la gloire qui est quelque part qui t'attend. Quand je m'humilie devant la parole, il y a la gloire de l'Éternel qui m'attend. Là, la nouvelle Jérusalem, où nous serons alors couronnés. L'humilité. Nous avons ces petits garçons. Comment encore tu t'appelles? Emmanuel, hein? Ah. Emmanuel, c'est un enfant. Yeye ni mtoto. C'est un enfant. Yeye ni mtoto. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Assieds-toi. Ikala. Tu peux t'asseoir là. Vous n'êtes pas là. Tu peux t'asseoir. Vous n'êtes pas là. Oui. Vous n'êtes pas là. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir bien. Vous n'êtes pas là. Cherche là où tu fais t'asseoir. Tu peux t'asseoir ici. Tu peux t'asseoir ici. Il n'y a pas de problème. À Panama. Il y a des problèmes. On a chiqué. Assieds-toi. Il cale. Non, je veux m'asseoir ici. Il cale à tout. Il ne veut pas s'allier. Allez, allez, chiqué. Emmanuel. Emmanuel. Tu penses que maman va te frapper? On a laissé ce moment d'accord. Ah, assez. Tu peux t'asseoir là. On est ce qui cale pas. Emmanuel s'assoit. Emmanuel Anikal. Mais toi, ma soeur, ça, ça avec ta robe là. Naile nkanjo ya kwe. Ne tombe pas. Naile kikwembe. Viens t'asseoir. Kami na kuita c'est quoi ikala hapo. Toi, mon frère. Wendu kuyangu. Avec ta costume. Naile costume ya kwe. Je t'appelle, viens t'asseoir. Mina kuita c'est quoi ikala hapo. Tu ne vas pas me garder dedans. L'enfant est heureux. Voilà comment il a mis ses bras. Il touche encore bien les cils. Il est heureux. Parce que moi j'ai cette humilité. Est-ce que c'est pour ça qu'il dit. Je commence à l'étonner. Si vous n'êtes pas comme ces petits enfants. Si nous ne sommes pas comme Emmanuel. Kama atuna sa Emmanuel. Le royaume de Dieu. Ufalme wa mbingu. Nous ne le verrons point. Hatute yona. Il n'a pas dit vous ne le verrez pas. Ashukusema sema amute yona. Mais il dit point, c'est du français. Anasema point. C'est impossible de voir le royaume. Anasema akuna namna. Anasema point. Kamwe. Emmanuel s'est assis. Nikusema Emmanuel a dit. Kwa sababu ni mtoto. C'est un enfant. Il ne connaît même pas la valeur de ses habits. Ashiona ta ile bébé ya mangwe ile banamupa. Même si ce sont des habits de 1000 dollars. Kama tani materia ya maelfu ya dollars. Ye ya shangari ile mambo. Il ne connaît pas. Ya shijui. Emmanuel. Ici où il est. Apa iko. C'est un enfant. Ni mtoto. Il a confiance qu'à son papa. Et là où il y a Emmanuel, même si vous êtes là, vous avez quel salaire. N'a pas le peu Emmanuel. Attends, salaire quand. Pour lui, il connaît son papa, c'est lui le plus riche de Cambodge. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais oui, et pourtant, ton Dieu nous dit. Japo Mungu Agé 2, verset 9. Ah, Agé 2, 9. Les lecteurs, soyez prêts. Lecteurs, nous sommes wakati yote. Celui qui le trouve, il est venu pour qu'on soit impérable. Je te dis quoi, Agé 2. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Verset 9. Verset 9. Toi, tu ne connais pas. Oui, Aujoui. Que ton père. Asema Baba Yako. Il a tout. Ye Ekonapiote. Quand tu marques. Wakati unakosa. Quand tu es bourré de dettes. Wakati unajazwa na mandeni. Quand on chasse l'enfant pour le faire. Wakati tufukusha mtoto njia masomo. Unaanza kushikuangaika. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mishkulale mzuri mshiku. Ah, hier on a chassé l'enfant. Jana barifukusha mtoto. Je voulais chercher quelque part. Je n'ai pas trouvé. Nilianza kutafuta fachi fulani mishkupate. Je vais même me faire examiner avec l'attention. Mitenda mbele bakanipime kwa tension, ndio tension mbele nasema nazo niko. Parce que tu n'as pas confiance. Niju auna na tumaini. À ton père. Ya baba yako. Tu n'as pas confiance. Aona na tumaini. Tu ne reconnais pas ce qu'il est. Autambue kile iko. Oui. Dio. Verset 8. L'argent est à moi. Feza ni yangu. À moi qui? Mie nani? L'Éternel. Wa milele. L'argent est pour l'Éternel. Feza iko wa milele. Oui. Et l'or est à moi. Et l'or ni yangu. Est à moi. Dit l'Éternel des armées. Voilà. Il signe en bas. Ce n'est pas anonyme. L'argent est à moi. L'or est à moi. Zahabu ni yangu. Dit William Branham. Branham anasema. Dit qui? Nani anasema? Dit l'Éternel. Wa milele. Alléluia. Amen. L'enfant connaît. Mutoto anajua. Que son père. Baba yake. Il a beaucoup d'argent. Et qu'on a fait, ami. Rien ne lui manque. Hakuna kitu kina mkosa. Rien ne lui manque. Hakuna kitu kina mkosa. C'est comme ça, Emmanuel est prêt à demander à son père. Njoko mana Emmanuel est prêt à demander à son père. Papa, achète-moi l'avion. Unyuzie avion. Il ne dira pas. Asta se papa, Bab. Tu ne sauras pas m'acheter l'avion. Autaweza kunyuzie avion. Mais il va dire, papa, atasema. Achète-moi l'avion. Papa, unyuzie avion. Parce qu'il est sûr que son père a tout. Aiko na biote. Oh, que Dieu nous aide. Oh, Mungu atusaidie. Que nous puissions comprendre. Tupate kuelewa. Que notre Père. Ya kwamba baba yetu. Il est capable en toute chose. Eko na uwezo mbiote. Ton mari n'est pas capable en toute chose. Mume wako ye hataweza biote. D'ailleurs, ce qu'il te demande. Japo, c'est grâce à ce Père là. Ninju ya ule baba ule. Il y a des hommes qui aiment s'enorgueillir pour rien. Kuko bantu wanapenda kujifuna bia. Tiens, cette femme ici. Angaria mwanamke. Si ce n'est pas moi. Ah, maina mimi. Si sera pas comme ça. Ashikupashi kuya vipi. Ce n'est pas toi. Aina wewe. Ce n'est pas nous les hommes. Aina shiba. C'est grâce à Dieu. Ni kwa ajili ya Mungu. Ce n'est pas toi. Aina wewe. Toi tu n'as rien. Hauna na kitu. C'est Dieu qui te donne ce que tu as. Ni Mungu ndio anakupa kile unacho. La preuve que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ni Mungu ndio alikupa. Le peu d'argent que tu as, c'est Dieu qui te les a donné. Vrai ou faux? Kweli au bon. Emmanuel. Emmanuel. Connaît que son père est plus fort de Cambodge. Emmanuel que vous voyez. Emmanuel Munamun. Il connaît que son père est le plus puissant. Lisez, prenez-moi Isaïe 54. Mubebeni Isaïe 54. Esaïe chapitre 54. Isaïe 54. Nous marchons ensemble. Tu connais tembea pamoja. Mutukutina. Mutu ashikimbie. Esaïe chapitre 54. Isaïe 54. Prenons verset 14. Verset 14, verset 14. Jusqu'au verset 54. 17. Le deuxième lecteur peut apprêter Proverbe 18, verset 10. Nous lisons d'abord Isaïe 54. Suivez. Car il marche Il n'a pas peur. Parce qu'il sait, il est tenu par la main de son père. On peut former des complots contre lui. Il connaît même pas d'abord c'est quoi le complot. Il sait qu'il est soutenu. Oui, frère. Esaïe 54, verset 4. 14. Tu seras affermi par la justice. Béni, bannis l'inquiétude. Fukusha wangaiko. Oh, tu n'as rien à craindre. Il est mangaiko, il est quoi encore il est. Uitoche. Oh, ça. Uitoche. Toute inquiétude, oh, cela. Wangaiko yo, tetosha yo. Crois que le Dieu est à, ce Dieu-là est à tes côtés. Amin, asema umungu kumpembeni yako. Oui. Car tu n'as rien à craindre. Kwa sababu, auna kitu cha kuogopa. Munipatie kitu kimoja. Non, pas toi, frère. Toi, tu lis. Wendu kuwelsoma. Oui, continue. Endelesha. Et la frayeur. Naboka. Car elle t'empêchera, elle ne t'empêchera pas de toi. Kwa sababu aita kukaribia kamwe. Si l'on forme des complots, kama bana kutungia makomplo, cela ne viendra pas de moi. Ile aita tokea kwangu. Quiconque. Est-ce qu'il y a des complots, oui ou non? Eti kukuma komplo au hapa. Il y a des complots, oui ou non? Kukuma komplo aiko. Mais dans l'église. Mais la kile kukanisa. Ya Mungu frère, aliku. Écoutez. Nduku mushikile. Si tu vous les frères. Zaidi mwe banduku. Suivez. Mufuateni. Si tu vous les frères. Zaidi mwe banduku. Ne formez jamais de complot. Mushanzake kutungaka ma frère, tu peux dire amen. Nduku nezi kusema amen. Ne formez jamais de complot contre l'ordre établi. Ushitungake ku complot ata moya ku ile usawa ya mkanisa. L'ordre de établi dans l'église. Si tu vas à l'encontre de cela, cela ne vient pas de l'Éternel Dieu. Comme ça ne vient pas de l'Éternel Dieu, ça vient de qui? Ça vient de qui à ce moment-là? Ça vient de qui? Ne soyez jamais dans les complots. Même au service où vous travaillez. Même à l'école où vous êtes enseignant. Ne vous mêlez jamais dans les complots. Ce qui a compris peut dire amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Ah. Tout celui qui va se liguer contre toi, Dieu va le renverser. Ce n'est pas fini, frère. Aïcha, Ndoku. Frère Jonathan, jusqu'au verset 17. Voici, j'écrirai l'ouvrier qui soufflera les charbons. Niriumba ule mufinyaji ule eko na puliza makala ya kumoto. Makala ya moto. Quand toi tu fais des complots. Wakati wewe unafanya makomplo. Dieu va te craser. Mungu atakuvinya. Dieu va te briser. Mungu atakuvinya. Atakuvunja. Dieu va te fracasser. Mungu atakupasula pasula. Avec son marteau. Na chando yake. Le marteau. Sando yake. Oui. Vas-y. Et qui fabrique une arme par son travail. Ule mufa finyaja nikalewe na tunga sila na mkono na kazi yake. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Na miriumba mwaribifu njoo apate kuvunja ile sila. J'espère nous suivons quand même la lecture. Ninazani tuko nafuata shibote. Oui, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si la yote bariweza kukutungia njuu ya kukugombanisha wewe haitakuwa na kazi. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Na lurimi yote ile talamuka njuu ya kukuhukumu wewe utaihukumu. Au mnenda mungu. Tu n'as pas l'argent. Hauna na fedha. Tu n'as pas l'argent. Ouais, on a fait ça. Mais dis-moi, Unakini. Tu es du côté de la raison. Ya Dieu va t'aider. C'est lui le grand avocat. Ni yeye mtetezi wa il va te faire justice. Comme il avait fait justice à Mardoché. Uwaki kwa oui. tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voilà. Proverbe 18, verset 10. Kumi. Suivant. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est comment? Une tour forte. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Toi qui comprends, tu peux dire amen. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Alléluia. Amen. Oui, frère. Et le juste s'y réfugie. Et il est en sécurité. Il faut que nous puissions nous cacher sous ce nom-là. Il n'a pas à tout pas te coucher. Tu n'y as pas de nom. Tu es sous l'abri. Uko chini ya ulinzi. Personne ne t'aura. Hakuna mtu atakupata. C'est comme nous avons Emmanuel. Iko sa vivre tu connais Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est quoi? Dans le temps, Zaman, je ne sais pas si vous avez vécu cela. Si tu vois un petit enfant comme ça, ukione mtoto kidogo hivi, il vient anakuya, en cours de route, mumchia, il fait obstacle à toi. Anakuka, anakujibiri. Il fait obstacle. Anakujibiri. Frère José, lève-toi un peu. Ndugu José, shima mako kwanza. Il fait obstacle. Anakujibiri. Si on peut le mettre d'abord. Kamba nezu mtengeneza ile. Venez. Nous voyons frère José. N'est-ce pas? Maintenant, ça. José veut aller comme ça. José anata kwenda vile. Emma barre la route. Emmanuel anamshibiria njia. Ne regarde pas qu'il passe. Hein, ok. Maintenant, José part. José anaza kwenda. Non, passe là où il est. Où pita pale wiko. Barre-le. Empêche-le qu'il ne passe pas. Empêche-le. Ah. Non, tiens-toi fort. Est-ce qu'il peut empêcher José? Est-ce qu'il y a un esprit qui est José? Il ne peut pas. Il ne fera que le pousser. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Yeah. Tu ne peux jamais empêcher Dieu. Quand Dieu marche sur son chemin, éloigne-toi de lui. Et maintenant, frère José, Emma marche. Emma est qu'on a tembé. Il connaît que. Anajua kwamba. Vous pouvez regarder. Voilà. Pendant qu'il marche. Wakati qu'on a tembé. José, Emma est derrière. Emma est connu maillard. Le frère José. Ndugu ya maillard, ndugu José. Et Emma, José. Na José. A une arme puissante. Eko na bunduki sila ya uwezo kabisa. Avec des balles de réserve. Eko tena na masashi. Emma est derrière. Emma est connu maillard. Est-ce que Emma aura la peur? Emma atashikia boka. Il n'aura pas la peur. Parce qu'il connaît son père. Est bien armé. Son père est puissant. Dieu, il est l'éternel de quoi? Des armées. Dieu est l'éternel puissant. Alléluia. Amen. Emma n'aura pas peur. Là derrière, il peut faire des bruits. Il peut parler. Parce qu'il est sûr. Qu'il est protégé. Alléluia. Amen. C'est clair, je pense. Hein? Pourquoi des inquiétudes? Pourquoi la peur? Quand tu dors, dors en paix. Lala salama. Il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de ce qu'il est. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, l'ange ne sera pas autour de toi. Malaika asta kwa kando kando yako. Kenyo Dieu, kenyo ki. Tumuongope Mungu, tumuongope nani. Kenyo Dieu, kenyo ki. Tumuongope nani Mungu. Quand nous le craignons, wakati tunamuongopa, Nous sortirons toujours des vainqueurs. Tout à toi, wakati yote, n'y a rien à craindre. Les petits enfants n'ont jamais eu peur. Muto, toi, aïe, pataka boka. Il n'a jamais eu peur. Aïe, pataka boka. Il est sûr de son père. Eko na hakika ya baba yake. Il a la confiance, toute confiance à son père. Eko na tumaini yake yote ndani ya baba yake. C'est pour cela, Joko dans Psaume 24, Muzaburi, makumi mbiri na ine, verset 8, nane, qui est ce roi de gloire? Ni nani ule mfalme wa utukufu? Dieu de bas. Mungu eko na uli. Qui est ce, gloire, ce Dieu de gloire? Ni nani ule, ni nani ule mfalme wa utukufu? Affichez-nous cela. Mutuonyeshe. Et nous tous, nous allons répondre. Nashibu wote tutajibu. Si on peut nous afficher cette écriture. Kama munaweza kutuonyesha hapo ile andiko ile. Sinon, tu prends ta Bible, tu ouvres. Kwa bule beba Biblia yako ufungula. Tu vas répondre. Na mutasoma. Nous tutajibu. Allons répondre. Tutajibu. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Tuko hapo. Je vais le demander. Mina takuliza. Nous sommes prêts. Tuko tayari. Qui est ce roi de gloire? Ni nani ule mfalme wa utukufu? Wa milele wa nguvu na wa uwezo. Ça va pas fini. Nous reprenons. Tunazulula. Qui est ce roi de gloire? Ni nani ule mfalme wa utukufu? Wa milele wa nguvu. Na wa uwezo. Alléluia. Konvi. Amen. Qui est ce roi de gloire? Ni nani ule mfalme wa utukufu? Wa milele mwa nguvu na wa uwezo. Hata goleo. Konvi. Tumpikie nguvu mkono. Puissant dans les combats. Mwenye kwa na uwezo mumabukonvi. Il n'a jamais échoué. Yeye hayashindwa kamwe. Dans ses combats. Mumabukonvi yake. Il a été toujours vainqueur. Anekalaka wakati yote paka mshindaji. Et ses enfants. Na watoto yake. Sont aussi des vainqueurs. Ni bashindaji nabo. Ceux qui se confient en lui. Bale bale jitolee. Ils sont des vainqueurs. Ah, beko bashindaji. Alléluia. Amen. C'est pour cela ce jour-là Josué. Jokomana Yoshua ile shiku. Dans Josué chapitre 5 verset 14. Yoshua 5:14. Josué était en pleine bataille. Yoshua alikuwa mubukonvi. Il voit quelqu'un sur sa route. Anaona mtu panjia yake pa barabara yake. Il se dit mais qui es-tu? Anasema uko nani? Tu viens me faire un obstacle. Unataka kunizuiza. Qui es-tu? Uko nani? D'où sorti? Unatokea wapi? Il répondit. Arakajibu. Verset 14. Mais tu peux lire à partir du verset 13. Il répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis. Nico. Il n'a pas dit jeter. Où je serai. Je suis. Nico. Il n'y a qu'un seul qui dit le je suis. C'est l'Éternel Dieu. Qui vit au siècle des siècles. Qui n'a ni commencement ni fin. Je suis. Nico. Le chef de l'armée. Il n'a pas dit je suis. Le chef d'une armée. Mais je suis. Le chef de l'armée. Quand Josué a entendu comme ça, wakati Yoshua alishikia vile, il s'est incliné, il s'est incliné. Arijinyenyekeza, arinama. Devant. Mbele. Il adorait son Dieu. Na akumwabudu Mungu. On adore jamais Dieu parler de lui. Aba mwabudu yake Mungu papangukia kunyumba. Comme on voit parfois. Vile tunaonaga saa ingine. On chasse des démons. Dogo nafukusha mapepo mchafu mbali bado wananguka hivi kwa kinyume. Depuis même Abraham. Hata kutokea kwa Abraham. Abraham anaanza kuangukia hapo mbele. Josué avait compris qu'il est devant celui qui combattait pour eux. Sa main est puissante. Quand maintenant il faut descendre ici. Frère Josué, venez. C'est toi que je trouve qui est gros. Élancé. À Colosse, c'était Florent. Ndugu Florent. À Lubumbashi, c'était un jeune. Mais non, nous voyons que ça, c'est tout non, Emma va descendre des gradins. Assez, Emma n'a pas choqué ma escalier. Il peut commencer à sauter. Anezi kwa sakuluka. Il ne va pas trébucher. Asta anguka. Quand il va trébucher, kama nanguka, José va le soulever. José atamunyangula pour qu'il ne tombe. Ju ashanguke. Quand nous sommes entre les mains de l'Éternel. Wakati tuko mikononi mwa wamilele. Oh. Même si tu veux tomber, ataka Dieu te soutiendra. Mungu atakushika. Amen. Soyons des petits enfants. Tuwe batoto kidogo. Soyons comment? Tuwe namna kani? Entre les mains de l'Éternel. Batoto kidogo ndani ya mikono ya milele. Qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 37? Anasema nini Muzaburi 37 na 7? Verset 24. Ernest, tiens les frères. Frère José, tiens. Ndugu José mushuka. Si tu veux écrire, tu vas écrire. Le voisin qui est là. Psaume 37. Psaume 37. Verset 24. Verset 24. S'il tombe, kama nanguka, il n'est pas terrassé. Ashiripike chini. Pourquoi? Dieu a nini? Car l'Éternel lui prend la main. Sababu wa milele kuna mushika mkono. Car l'Éternel lui prend quoi? Kwa sababu wa milele kuna mpichika nini mkono. C'est comme ça nous chantons. Dieu vile tunatuomba, tunaimba. Ah, moi pas la main. Unishike kwa mkono et vous chantez ça. Unishike. Ah, non. Alléluia. Amen. Je reprends la lecture. S'il tombe, akianguka, il n'est pas terrassé. Ashijipike chini. Car l'Éternel sababu wa lui prend par la main. Eko na mushika kwa mkono. Quand il marche, la wakati eko natembea pale. Pendant qu'ils font descendre, wakati atashuka, lui, yeye, qui est le plus puissant parmi les kwa deux. Mngufu pa katikati ya bobu bawili. C'est Emma ou c'est José? Noema ou José? C'est le frère José. Chini ndugu José. C'est clair, n'est-ce pas? Chito file. Entre toi et Dieu. Sasa katikati yako wewe na Mungu. Ni nani aliyekuwa uwezo hiyo? Est-ce qu'on peut se mesurer? Eti unaweza kupimana naye? Emma peut se mesurer avec Josué. Eti Emma unaweza kupimana na Josué? Ah, ah, attendez. Mushunge kwatu. Emma. Emma. Frappe Josué. Umupike Josué. Frappe. Umupike. Frappe. Umupike. Fort. Nguvu. Nguvu. Nguvu. Ah, vraiment. Hein. Est-ce qu'il saura ataweza kumupika? C'est gros papa comme ça. Papa mnene hivi. Même s'il était karaté celui-là. Hata kama alikuwa yeye anafanya karate. Mais quand il va faire ce bas sa petite jambe. Kama anafanya ile mkuru yake kinokwe. Shiba tamu nyangula tu yulu. Pourquoi? Dieu a nini? Ne pas craindre Dieu. Hapana, Dieu ni na umuongope Mungu. Toi qui es un enfant. Wewe uko mtoto. Et celui qui contrôle. Na ule uko na shika. Ta respiration là. Hata yenye pumzi yako. Si le jeu n'est pas ta respiration. Oui, aina wewe ndio nikalaka unaongoza pumzi yako. C'est le créateur. Ni muumbaji ndio nikalaka kwa niongoza na kuilinda. Ça est-ce qu'il faut discuter? Eti ile inapasha tena tubishane. Même pas. Hapan. Quand ils vont descendre. Wakati watashuka. Emma. Emma. Est vraiment assuré. Emma eko na uhakikisho yote. Il est vrai. Il peut regarder là où il fait. Anaweza kuangalia hata kula napenda. C'est bien ou même pas. Anaweza hata ashangalie. Il est assuré. Ya sababu yeye eko na hakikisho. Parce qu'il est soutenu. Kwa sababu anashikwa. Entre les mains. Kumkono. D'un plus fort. Ya mtu mwenye kwa nguvu. Même s'il fait noir. Hata kama kuku kweushi. Il est assuré. Yeye eko paka na hakikisho. Il est entre la main sûr. Ya kwamba eko mkono ya hakika. Et la main qui le soutient. Na mkono ile namshika. Il est plus puissant que ça. Iko ya uwezo kupita mkono yake yeye. Toi ne tiens pas Dieu. Wewe hapana kumshika Mungu. Mais est-ce que Dieu nous tient? Acha lakini Mungu yeye akubambe. Emma tu peux rentrer que Emma unaweza kurudia Mungu akubariki. Munaweza kurudia. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse notre enfant, n'est-ce pas? Mungu akubariki, abariki mtoto wetu. La kuri. Ah, nakimbia kuna kambi. Psaume 89. Mzaburi 10. Nous sommes dans notre maison, n'est-ce pas? Si tuko mnyumba yetu, hein. Psaume 89. Mzaburi 89. Qu'est-ce qu'il dit encore? Anasema kote na nini? De son bras. Dieu est en train de manifester, s'est manifesté à ses enfants. C'est comme la mère aigle qui se manifeste à ses aiglons pour manifester sa puissance. Psaume 89, verset 14. Ton bras est puissant. Ta main forte. Ta droite élevée. Ya kumi ya ngonyoloka Kambovu iko yenye kupanda kati va mena report Kambovu sasa utajibu. Nous sommes là. Tuko hapo. Vous êtes là. Muko hapo. Toi tu vas répondre. Wewe utajibu. Toi tu réponds. Et puissant. Utajibu sema iko ya uwezo. Kame. Mkono yako iko ya nguvu. Ta droite. Na mkono yako élevé. Wote utajibu sema iko ya uwezo. Ça c'est difficile. Iko ya nguvu. Ça c'est difficile. Est-ce que iko ya nguvu hii? Okay. Okay. Nous sommes de Dieu, oui ou non? Amen. Nous commençons. Tunaanza. Ton bras est puissant. Iko ya uwezo. Ta main mkono yako forte. Iko ya nguvu. Moi j'aimerais même que nous faisons même des bras comme ça. Tunapenda tufanye kuna mkono hivi. C'est Dieu qui nous demande. Ni Mungu ndio tunasifu. Que comment? Ni namna gani? Mon bras. Mkono yangu iko chini. Nous sommes là. Tuko hapo. Ton bras. Mkono yako iko ya uwezo. Tambe. Mkono yako forte. Iko fungufu. Ta droite. Élevé. Alléluia. Amina. Ça c'est merveilleux, non? Hiyo vile ya damani. C'est merveilleux. Iko ya damani sana matajabu. Ah, je trouve ça très bon. Kwa sababu mimi naipata hiyo. Naona siku mkubwa sana mzuri. Tombra est puissant. Iko ya nguvu. Tambe. Forte. Iko ya nguvu. Ta droite. Élevé. Acclamons-le alors. Mungikie kumikono. Mais lakini il y a des enfants désobéissants. Kuko batoto bachokuti. Ton papa veut, son papa veut le tenir à la main. Baba yake anataka kumkamata mkono. Il est prêt à mordre la main de son papa. Yanataka kumuma mkono ya baba yake. Le papa va le laisser là. Baba tamoch. Ça va? Vas-y. Hein? Wendaki? Vas-y. Wend. Il y avait une maman. Kurkwa mama moya. Nos oreilles sont là. Mashkeye tiko hapa. C'était une géante. Alikuwa ni mama kumi. Géant. Alikuwa mulefu. Murembo. Elle avait beaucoup d'argent. Alikuwa na feza mingi. Quand la femme a beaucoup d'argent. Wakati mtu mwanamke yuko na feza. Elle n'a pas Dieu. Kama ana na Mungu. Eh. Quel orgueil. Ni bajiburi matiburi kani. Mais pour parler. Atajua kusema. Elle a sa manière de diriger ses lèvres. Eko na namna yake ya kugeuza milomo. Mais pour marcher. Atajua kusema. Elle a des doigts un peu, je ne sais pas, tordi comme ça. Eko na bilole esha bilole. Comme les ailes de. Binakwa sa manyomo mabawa. De la poule. Mabawa ya nkuku. Pour manifester. Njua konesha. Ce qu'elle a. Ayasema bilole. Cette dame là. Ule mama ule. À l'époque, rare de gens allaient en Europe pour aller acheter des conteneurs, des histoires. Ile wakati bantu barikuwa kiloko banaanza kwenda mbulaya njoo kusema conteneur. Elle avait l'argent. Hier kwa na feza. À l'époque de notre deuxième république. Ya wakati ile ya Mobutu. Maintenant, il devait rentrer chez nous au Congo central. Sasa alipasha kurudia kule kwetu Kongo. Mais avant cela, on lui parlait du Seigneur. Lakini mbele ya ile barianza kumzungumzia Mungu. On lui montrait ce que Dieu veut de faire pour notre temps. Kile Mungu anaweza kufanya jambo hili. Il a envoyé un puissant message. Alituma ujumbe ya nguvu. Que Jésus. Yasema Yesu. Il est le unique sauveur. Ni mwokozi pekee. C'est lui le vrai Dieu. Yeye ndio Mungu wa kweli. Le Père c'est Jésus. Baba ni Yesu. Le Fils c'est Jésus. Ye mwana ni Yesu. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Ni Roho Mtakatifu ni Yesu. Yesu. Ah, on veut lui parler. Wakati banaanza kumzungumzisha. Jete elegala. Yanatupa richo moyo. Toi-même tu es courageux. Na wewe mwenyewe mbele utalekea na kulike. Jete de la saliva côté. Anatema na mate pembeni. Kutelir ne me parle pas. Je kukonyesha sasa usiniambie mamambo yako. Eh, n'aime jamais Jésus. Ashkwanza kupendaka Yesu hata. Oh, il était un enfant de Dieu. Je parkwa mtoto wa Mungu. Frère, si tu es de Dieu, kama uko wa Mungu, Dieu fera tout pour t'avoir. Mungu atafanya yote juu akushike. Il va utiliser tous les moyens. Atatumia manamna yote. Nous sommes là. Tuko hapa. Parce que sa main est puissante. Sababu mkono wake ni uwezo. Pour t'attraper. Dieu vous va. Ah, ni mambo kiloko. Mais te laisse d'abord faire. Atakuacha mbele anafanya mambo yako. Il te laisse faire. Atakuacha. Cette femme là. Sasa ule mtoto mwanamke. Elle fait ce qu'elle fait. Aranza kufanya bila aranza kufanya. Chemin de retour. Mukurudia ku Congo Central. Ils étaient dans la voiture. Alikuwa mji mugari. Maintenant jusque chez nous Kinshasa jusque là c'est 500 km. Kwetu kufika Kinshasa ni 500 km. Ils sont arrivés quelque part, ils devaient se soulager. Bana fika fashimo barpasha ku jisulager. Ils ont arrêté leur voiture. Bana shimamisha gari. Pero que la chair ici c'est ça la voiture. Kama tu tuna mfano hii ma mimbari ni kutoka ile sasa ile ndio barabara. Le véhicule qui vient de ce côté passe par là. Bale motoka inatoka hivi inatoka hivi inapita kule. Hii nyingine inakuja hivi inapitia. Elle était première pour revenir. Yeye alikuwa wa kwanza choko. Et entrer dans la voiture. Na njoo kuingia mugari. On est entré dans la voiture. Pari ya kuingia mugari? No. Hapana. Elle vient. Anakui. Pour toi. Quand il entre première. Kama unaingia wa kwanza. Même si tu veux te tenir debout. Hata kama unataka kushimama. Tu te mettras là-bas. Shutashimamia ni kule. Ou tu te mettras ici. Au utashimamia huku ngambo au ici. Il y a des véhicules. Ni toka iko napita. Et de l'autre côté. Na huko kingine iko napita. Où tu te mettras? Utashimamia wapi? C'est là-bas? Ni huko? Au huko ingambo ya miotoka. Je crois que c'est ici, non? Chini nazani ni ingambo ingine. Elle. Yeye la kile. Elle veut se mettre ici. Akakuwa kushimama hapa. Elle s'est mis là. Anashikanga anashimama ngambo ya miotoka. Pour montrer. Jua kuonyesha. Sa beauté. Urembo yake. Avec sa cure dent. Na cure dent yake. En train de gratter ses dents. Ego nenda na kukulula meno. Il y avait un truck qui venait dans ce sens. Kurikuya truck moya iraza kuya muingambo. Un autre truck. Le chauffeur avait mal parqué. Au lieu de bien entrer, laisser la chaussée. L'autre parti était à la chaussée. Et la femme était exposée. Le chauffeur de trac a klaxonné. Pour dire à la femme, quitte là-bas, je suis en danger, Si je vais là, il va avoir un grand dégât. Kutakuwa dégât munene sana, vifi itakuwa munene. Je dois frôler. Sasa kumbi mnapasha. Là où il y a cette dame là. Ni chauffeur pas kule kuku ngambole ya ule. C'est là où je dois passer. Jo namna nitafanya. Je klaxonne et refuse. Mimi na pika mpi ya shifanki. Elle a tout fait. Anafanya yote. Pendant qu'elle est passée. Wakati alikuwa anapita. Ici. Il a touché la carrosserie de l'autre. Anabamba ko na ile carrosserie ya mwingine. Il a touché un peu. Anakusana ko kidogo. Et de l'autre côté. Na ingambo nyingine. Pour éviter cette dame. Njutu ya kumpika ya kumepuka ule mwanamke. Elle est passée. Anapita. À côté. Pembeni. Mais avec ces vents-là, vous savez comment le truck quand il passe. Ni mnaiona sasa vile truck kama inapita. Vous savez. Munona. Avec ces vents-là. Na ile mpepo ile. Elle est tombée. Ananguka. Quand elle est tombée, wakati alianguka, la jambe gauche, kulu yote ya kushoto inavinyika. On a ramassé. Bana munyangula. Ambulance est venue. Ambulance inakuwa bana mpeleka mbio ku hopitalo. Le médecin regarde. Médecin angalia. Il dit, nous devons amputer ta jambe. Aise, tunapasha kufupisha kukata mkuli ya. Kwa sababu kukulita. Aise, moi une belle femme comme ça. Oui, mwanamke mzuri. Mais je veux perdre ma beauté. Sasa shimi tapoteza urembo yangu. J'ai beaucoup de chaussures chez moi. Niko na mibilato vya mingi. Que j'ai acheté depuis l'Europe. Mimi usaka mwa. Mais comment je vais commencer les portes? Sasa mimi tazo bivala je. Elle a pleuré mon Dieu. Anaria o Mungu wangu. Dieu. Mungu. Quand l'enfant est en épreuve. Kama mtoto yuko. Maintenant l'enfant dit papa. Mtoto anasema oh baba. Ah le papa est d'accord avec ça. Sasa pale ile wakati baba yeye. Parce qu'il en a eu pour son compte. Kwa sababu anapata ile rasmi. Le Seigneur avait compris. Na Bwana alielewa. Que ma fille. Anasema mumbiki. Commence à crier Seigneur. Anaanza kulia. Je l'ai eu maintenant. Sasa mimi namupata. Cette sœur là. Ule dada ule. Elle était devenue quand on a imputé la jambe. Wakati barikata mkulu. Et se dit ah ça. Anasema eh Bwana. Peut-être que j'allais mourir. Ça, c'est kufa. Comme Dieu l'a cherché. Ça fait le mungu alikuwa anamtafuta. Il va encore croiser les hommes de Dieu. Anaenda tena kukutana na mbadbad. Nous lui avons encore montré le Seigneur. Tunamuonyesha tena Bwana. Elle demande qu'est-ce que je dois faire. Ça, ça anauliza nini. Mimi napasa kufanya nini? Chose qu'il ne demandait pas. Bile binti ashkwanza kuuliza. Elle ne voulait jamais se tenir quand on voulait lui parler. Ashkwanza kushimama kama mwanafia kumuonyesha mambo. Peut-être que toi tu étais aussi de cette manière. Ça, zingine na wewe uko vile. Alors, nous l'avons baptisé. Ça, ça, tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre ville est montagneuse. Mais elle veille partout là où nous prions. Pendant la période que nous étions persécutés. Elle veille partout nous prions. Et aujourd'hui, elle est où? Elle est morte. Mais elle est morte dans le Seigneur. Peut-être le jour de l'accident, elle pourra mourir. Mais Dieu l'a préservé. Quand tu refuses d'écouter Dieu, Dieu te laissera d'abord. Que tu tombes dans le trou. Que Satan te touche d'abord. Qu'il puisse te cribler d'abord. L'enfant désobéissant. Mais Dieu nous dit quoi? Les enfants. Le devoir de l'enfant envers ses parents et le devoir des parents envers ses enfants. Nous parlons souvent que le devoir des enfants envers les parents. Mais les parents aussi, nos parents, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de nos enfants. Qui n'a pas assez de moyens, mais tu dis à ta femme, ou bien la femme dit à son mari, nous ferons 20 enfants. C'est bien d'avoir les 20 enfants. Mais il faudra s'occuper de ces 20 enfants-là. Ils doivent manger, ils doivent se vêtir, ils doivent étudier pour qu'ils soient des enfants quand même considérables dans la société. Tu dois veiller sur eux. Tu dois leur montrer la voie du Seigneur. C'est clair, je pense. Hein? C'est pour cela que Paul dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossi tatu. Verset 21. Makumi mbiri na moja. Père, Baba. N'irritez pas vos enfants. Mushishirikishe batoto yenu. Père, Baba. N'irritez pas vos enfants. Mushishirikishe batoto yenu. Pourquoi? Njia nini? De peur qu'il ne se décourage. Juba shilekeye. Ta manière de vivre avec tes enfants. Namna yako kuishi na batoto. Et comment? Ikoche. L'enfant doit être content quand il voit son père. Mutoto na pashiko na furaha wakati anaona baba yake. Mais quand il entend seulement ta voix. Akishike tu sauti yako. L'enfant fuit dans la chambre. Mutoto anakimbia mchumba. Pourquoi? Jioni. Non, papa arrive. Oh papa yeye. D'ailleurs, on t'a déjà donné un nom. Tena basha nakukupa na njina. On t'a déjà donné un nom. Aisha nakukupatia njina. Même au quartier. Na, on t'a déjà donné un nom. Aisha nakukupa njina. Que toi tu ne connais pas ce nom là. Wewe mwenye ile njina huyu? Non. L'enfant. Mutoto. Ah non, mais tu dois être gentil, content d'avoir tes enfants. On n'a pas choisi furaha kwa na batoto. Causer avec eux. Ils ne sont pas vos ennemis. Aina baadui yako. Vos enfants ne sont pas vos ennemis. Batoto yako bana baadui. Nous sommes là bien-aimés. Tuko pale banduku. Et puis encore. Na ikuzaidi tena. Le frère n'a jamais causé avec sa femme. Nduku mwenye haya sumriaga tena mke wake. Ah. Il évite de marcher même avec sa femme. Yeye yeye ne peut pas kutembea na mke wake. Mais pourquoi? Jiani. Ah. Notre prédication de ce jour. Oh, il est m'oublier. Pourquoi les fils tu de marcher avec ta femme? Juani nuko na kikatala kutembea. Mais tu aimes marcher avec d'autres femmes. Lakini wewe unapenda pa kuzunguluka na mabibi bengine. À la maison il ne rit jamais. Kunyumba ashitekake. Mais quand il est dehors? Lakini kama iko nje. Oh, il devient un homme de bien. Anakuwa mtu wa bien. Quel type de mari? Ni alikani ya bwana. Quel type de parent? Aina kani ya mzazi. Ne te fâche pas. Hapana ushirika. Mais change. Lakini badirika. Change. Badirika. Il n'aime jamais se photographier avec sa femme. Yeye apendaye kubeba picha na mke wake. Quand il faut aller à la fête de mariage. Kama anaenda kufeti ya mariage. Il préfère aller avec sa fille. Yeye anapenda kwenda paka na binti wake. Mais ta fille n'est pas ta femme. Binti wako hana mke wako. À moins qu'elle soit malade, la maman. Ah, c'est pourquoi c'est ma maman est comme gonjo. Mais elle a une bonne santé. Mais elle est comme moi. Oh non. Oh, elle n'a pas beaucoup de tenue. Oh, Anna Namango. Oh. Ah. Ha, ya, ha. Ah, monte, on tatoua. Ha, ya, ha. On tatoua. L'église, répondez-moi. Ha, ya, ha. Ha, ya. C'est ta honte. Ni aya yako. C'est ta honte, mon frère. Ni aya yako, nduku. C'est ta honte. Ni aya yako. Mais qui doit la vêtir? Nani anapasha kumvika? Qui doit la choyer? Ule anapasha kumbembelesha? La femme, mke, elle a été créée pour être jolie. Yeye ariumbi wanjua apate kwa mrembo. Le frère Branham dit, ndugu Branham anasema, une femme bizarre. Mwanamke wa bizarre. C'est un accident. Yetu ni msiba tu. C'est un accident. Ni msiba. Qui doit choyer sa femme? Nani anapasha kumbembelesha bidia? C'est toi. Chini wewe. Il cause avec sa femme. Yego nasungumza na mke wake. Peut-être une fois l'an. Sasa zingine ni mara moja tu kwa mwaka. Même quand ils sont en chambre. Hata kama wewe mchumba. Il ne cause jamais. Hapa sungumza yake hata. C'est quelle sorte de mari? Ni ala ali ya bwana wewe mume wake. Notre mari. Mume wetu shi. Notre mari. Mume wetu shi. Il cause avec nous. Yeye anakaa na tukusungumuzisha. Pande que nous sommes là. Wakati tuko hapa. Il cause avec nous. Yeye anatusungumuzisha. Est-ce que tu l'entends quand même? Eh, tuko namshikia kweli. Eh. Et pourquoi toi tu ne causes jamais avec ta femme? Ni même avec tes enfants. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Ta femme n'est pas ton ennemi. Muke wako ana adui yako. Est-ce que tu sais que c'est ta sœur? Unajua kwamba ni dada yako. Avant qu'elle soit ta femme. Mbele awe mke wako. Ta sœur. Ni dada yako kwa Christ Jésus. Yaani ya Kristo Yesu. Les hommes peuvent dire amen. Bandu kwa naweza kusema amina. Ta sœur, ni dada yako, qui ira avec toi à la nouvelle Jérusalem, ula taenda nawe ku Yerusalem mupya, qui va être enlevé ensemble avec ula toi, ula tanyanyuliwa pamoja nawe, et n'est pas ton ennemi, ana wadui yako, c'est ta sœur en Christ, ni dada yako, ndani ya Kristo, sinon elle te condamnera ce jour-là, kwa kule atakuhukumu ile siku, tu la prends comme un torchon, woko na mbeba saki kolopo. Il y a des tribus qui prennent leurs femmes comme des torchons. Soyons au-dessus de nos coutumes de tribus. Laissons nos coutumes. Prenons la parole de Dieu, mes frères. Les frères peuvent dire encore amen. Éphésiens chapitre 6. Verset 1. Enfant, maintenant toi, écoute. Sasa wewe mtoto na wewe shikia sasa. Enfant, Batoto, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Il ne dit pas selon Paul. Ou selon Moïse. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Obéir à vos parents. C'est une bonne chose. Ce n'est pas quand il t'envoie. Tu es fâché. C'est pas juste. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. C'est le premier commandement. Njo amri ya kwanza. Avec une promesse. Na malako. Quelle est cette promesse? Malako yake ni nini? Nous sommes là. Tuko hapo. Nous sommes là. Tuko hapo. Quelle est cette promesse? Ile malako ni nini? Afin que tu sois heureux. Ili upate kwa mwenye heri. Ici sur la terre. Apa pa dunia. Si tu veux être vivre une vie heureuse. Ukitaka kuishi maisha ya uheri. Obéis à tes parents. Tiba sasa yako. Honore à tes parents. Uheshimia basi sasa yako. Faut les honorer. Upate kubaheshimia. Comment les honorer? Namna kani ya kubaheshimia. Tu n'as pas vraiment du boulot. Hauna na kazi. Mais tu t'es débrouillé. Lakini unakombanisha. Mais le père que tu as. Ile huko nayo kiloko. Ton papa par exemple est à Luambo. Baba yako kwa mfano yuko Kulambo. Tu vas dans le Tigo Cash, Orange Money, M-Pesa. Tu mets le 2000 francs. Unaweka ko 2000 francs. Papa, je n'ai rien. Baba, mimi sina na kitu. Le 2000 francs. Lakini beba ko 2000 francs. Et parfois il n'a rien. Sasa zingine ana kitu. Même si on va couper, atakamata. Il aura 1800. Atabakia tu na 1800. Il va s'acheter du pain. Yeye atauza. Il va s'acheter du café. Atauza café. Il va s'acheter du sucre. Atauza sucre. Quand il veut manger, kama nataka kula. Un ami arrive. Mrafiki anakuja. Ah. Toi, tu as quand même quelque chose. Hey, toi, quoi. Kitu, quoi. Ah, ouais. Je n'avais rien. Ah, mais je na kitu. Il y a mon enfant qui est à Kambo. Kambo. Qui m'a fait un petit transfert. Transfert c'est grâce à lui que j'ai ça. Ah. Ah. Mais toi, heureux à toi. Ouais, kumbi, moi, j'ai un enfant mi qui a de l'argent. Niko il ne m'a jamais fait ça. Na mais lui, le père qu'il a, il te l'envoie. Qui a honoré ton père. Et comme tu as honoré ton père. Tu seras heureux dans ta vie. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une promesse de Dieu. Frère, examinez un peu, regardez ce qui se passe. Maintenant. C'est l'inverse. Ce sont les jeunes qui meurent plus. Les jeunes meurent plus actuellement. Ceux qui font le constat, je crois qu'ils sont d'accord à cette chose. Les jeunes meurent plus. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils n'honorent pas leurs parents. Une année. C'est qu'elle se va engrosser 10 filles. Mais le parents va payer les maternités de tous ces femmes. Mais quand ils payent les parents avec difficulté, avec regret, ces garçons qui pensent que tu vivras longtemps, même si les parents ne te disent rien, mais celui qui a fait cette parole, celui qui a prononcé cette parole, s'occupera de toi. Il faut se repentir. Il n'a pas sa kutubu. Il y avait un garçon. Il tabassait son père. Il tabassait sa mère. Jusqu'à coups et blessures. Sa maman, jusqu'à l'arracher ses dents. C'était un couple qui était nos frères qui priaient avec nous. Les papas meurent. Baba nakufa. Pendant le confinement, la maman meurt aussi. Mama naya nakufa. Maintenant, nous étions au cimetière. On a demandé, bon, la famille ici peut parler. Banauliza, jama, inezi kusema. Écoutez ce que va dire cet enfant. Shikieni kile ule mtoto. Notre sujet c'est quoi? Asi mama mchina yetu ni nini? Notre sujet c'est quoi? China yetu ni nini? Notre sujet c'est quoi? China yetu ni nini? Mutkutina! Mutu ashikimbie. L'enfant là. Ule mtoto. Il va dire, mama. Asi mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Il a crier. Analalamika na kus na kuria. Pardonne-moi. Yo nirumie. Je te frappe. Nianza kukupika. Je même arraché tes dents. Nianza na kutosha mimi na kutosha na mimi. Toutes les mamans qui étaient là. Mama bote bananza kuria. Bananza kumzomea o. Pendant qu'il est dans le cercueil. Wakati yako musandu. C'est dans le cercueil qu'il va écouter ton pardon. Ni musandu yako jo utatashika sana nirumie. Crier à couteau tiré avec tes parents. Wone kala una kukutana na bazazi yako. Va t'incliner devant tes parents. Si ne sont leo, pas Kambov, téléphone, demande leur pardon. Buluma, et Dieu te pardonnera aussi. Pia. Il y avait un frère. Moya, pendant qu'il travaillait, il avait toujours des échecs. Il avait toujours des échecs. Il est venu me voir. Il venait de Kinshasa. Kinshasa. Je lui dis, mais sema, tu envoies le fils guerrier chez tes parents. Ça, ça, ah, fata, je n'ai pas beaucoup. Ah, c'est, ah, Michel, tu n'as mingi. Tu n'as jamais eu 5 000. Ah, oui, oui. 5 000. Tu ne peux pas envoyer même 5 000. Ah, oui, 5 000. Avec Orange Man. Na Orange Man, ou MPC. Ah, je vais le faire. Ah, minta fine. Nous avons prié. Il a envoyé. Anatum. Pour la première fois, 5 000. Je suis à quoi 5 000 francs. La deuxième fois, je suis à pire. 20 000. 20 000 francs. La troisième fois, yata, l'argent le faisait qu'au sommet. Celui qui a donné cette promesse, c'est lui que nous avons lu dans AGD. Il dit que c'est à moi appartient l'or et l'argent. Et aujourd'hui, leo, ce garçon-là roule avec les véhicules de jeep. Et de belles jeeps aujourd'hui. Leo. Et Dieu l'a élevé. Na Mungu alimnyanyula. Il a une vie standing élevée. Eko na maisha moya ya yulu. Il a acheté une parcelle. Anauza na pango. Il construit une grande maison. Eko na yenga nyumba munene. Ses parents. Bazazi yake. Ils sont très bien maintenant. Eko msuri kabisa. Et le quartier quand il regarde. Na, non, ils ont un enfant. Ah, ah, beona mtoto à l'intérieur. Ule ndani mule. Cet enfant là vraiment. Ule mtoto kweli. Et vous pensez que Dieu na, ne se souvient pas de cette promesse? Ashikumbuka kile malako hii. Depuis que tu travailles. Tangu rianza kutoka. Qu'as-tu déjà fait pour tes parents? Mais tu te plains toujours. Implétif. Payez même le frère de tes petits frères. Jamais. Quand ton papa t'appelle papa, j'ai des difficultés. Un méchant enfant. Un méchant. Nous sommes que des petits. Nous sommes que des petits. Pourquoi tu ne peux pas t'incliner devant tes parents? Tu fais que le message est critiqué maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Non, cette église-là, quand ils entrent là-bas, ils ne reconnaissent plus les parents. Ils ne reconnaissent plus la famille. Quand il y a deuil, on t'appelle. Ah, moi aussi j'ai mes difficultés. Comment? Quand tu ne sais pas faire du bien kama à ta famille, tu es plus qu'un païen. Tu es plus qu'un païen. On apprend à faire du bien par des petites choses. Quand tu ne sais pas kama ujui, donner kuleta, le peu que tu as, ile kiloko kuna, même quand tu en auras beaucoup, ata palo utakuwa na ya mingi, tu verras que c'est toujours peu. Utaanza kuona paka sasa, ah, kiloko. C'est comme ça tu vois. Je vois kunona, les amis montent ont des promotions. Barafiki, beona panda toi tu es toujours là. Oui, ukupaka pale. Tu es toujours là. Ukupaka pale. Les amis construisent. But, toi tu ne parles pas. Oui, toujours des maladies dans la famille. Ta femme malade. Les enfants malades. Quand tu touches le salaire. Tu pars dans la pharmacie. Yo te rendam pharmacie. Pourquoi? Je... Parce que je... tu n'honores pas tes parents. Ah, heshimie bazazi yako. Tu les honores pas. Tu es un méchant. Les petits enfants, ils sont humbles. Les petits enfants, écoutent. C'est ça que nous avons lu dans 1 Jean 4. Ils écoutent. Il y a eu un enfant pour que nous allons presque à la terminer. Les oreilles sont là. Dieu est en train de manger. Dieu est en train de nous corriger. Tu vas te fâcher contre moi. Merci. Okay, que Dieu vous bénisse. Au lieu que je dise merci, Bele, mais que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes que des enfants. Kwa sababu tuko kama nous sommes que des enfants. Tuko tu batoto. Alléluia. Amina. L'enfant est très corrigé. Mutoto anapashaka kusaishwa. Il avait un papa. Makurukwa mtoto baba moya. Il avait sa femme. Alikuwa na mke wake. Ils ont fait le premier fils. Bakazala mtoto wa kwanza. Il a commencé à grandir. Anaanza kukomea. Le papa était sujet de moquerie dans le village. Baba baranza kumchekeleaka mumgini. On lui disait. Baranza kusemaka naye. Vous dans votre famille. Oui, il est jamais à quoi. Qui a étudié? Ni nanya refuse. Vous n'avez personne qui parle le français. Ako na tamuntu anasemaka français mu jamaa. Actuellement, on parle français presque pas. Leo français il va ni semaka ni fumu. Mais les années passées. Lakini zamani. C'était rare. Il quoi ni rare. De voir même un petit enfant qui parle français. Mtoto kiloko yeye anasema français. C'est la vérité, non? Nishini vya kweli. Alors. Sasa. Le papa là s'est dit. Ule baba kasema. Il vivait la vie de paysan. Anaanza kuishi maisha tu ya kimugini. Il coupait les noix palmistes. Anaanza kukataka ile ma noix palmistes ile manani manje mama. Ngai. À l'âge scolaire. Wakati mtoto anafika ku pa masomo asema non mimi tamfundisha. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Donne-lui de l'intelligence. Umpatie kwa akili. L'intelligence c'est Dieu qui le donne. Akili ni Mungu ndiye anayetaka. Qu'on ne vous trompe pas vous les étudiants. Basi milande mwe ba étudiants. Il faut être membre. Asi o inapasha kuye. De je sais pas de qui. Kani ya banani. Pour que vous soyez intelligents c'est faux. Kwa na akili, tu peux aller le lire dans Exode chapitre 31. Unaweza kuisoma mkutoka 31. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Mstari ya kwanza kufika kuku 6. Exode chapitre 31. Kutoka 31. C'est Dieu qui donne de l'intelligence. Ni Mungu ndiye anataka akili. Satan ne donne jamais de l'intelligence. Anataka akili kwa Mungu. L'intelligence qu'a Satan. Il est akili kwa Dieu. Qui l'a placé en lui. Mungu ndiye aliweka hiyo ndani yake. Vous suivez les étudiants. Et étudiantes. Les donateurs de l'intelligence. C'est ton Dieu. Maintenant, cet enfant-là est entré à l'école. Le premier trimestre, on proclame. Premier trimestre, on a proclamé. Le papa est allé à l'école. Pour voir quand on va proclamer. Dieu a qu'on appelle va proclamer. Avec sa petite culotte. Kila, kaputula yake. Avec sa petite chemise. Na ka chemise yake. Il est parti. Amen. Pieds nus. Il arrive. Anafika. Première année primaire. Première. Premier de la classe. Ah, on va se mouer à 98,9%. On cite le nom de son fils. Banataya il a crié. Gloire à Dieu. Tout le monde a commencé à regarder. Bantu bote wakaanza kumwangari. Il a commencé à sauter. Anaanza kuluka. Cet enfant jusqu'à 6e primaire. Ole mtoto kufika na 6e primaire. Il obtenait des 98. Anaanza kupata 98. Il va aux humanités. Anaenda kwa il faisait des 90. Anaenda kupata nafama 90. Son examen d'état. Examen d'état 89,9%. Admis à l'université. Bana mbeba l'université à Kinshasa. Ya lovanyo mkutu Kinshasa. Il arrive à l'université. Anaenda kwa université. Il faisait des grandes distinctions. Yeah, that's a fucking grande distinction. Jusqu'à licence. Kufika na licence. Il faisait de 89. Yeah, that's a fucking 89. 88. Il pourra faire de 90. Yeah, that's a fucking 90. Mais on le faisait à rabat. Barianza kumushusha. Et quand il est arrivé à l'année terminale. Arifika mwaka ya mwisho. Dans les grandes vacances d'abord. Pak muma grande vacances. Il allait au village. Aranza kwenda ku mugini. À son temps, wakati yake, les universités, on leur donnait des chapeaux chapeau, avec des médailles. Na mabuchanga. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu. Il y en a qui avaient vu ces marques de chapeau là. Ah voilà. Je crois que le commandant aussi l'avait vu. Voilà. Avec des. C'était merveilleux les universités. Voir une université. C'est le fils de qui? Le fils de Pierre. C'était honorable. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Alors, quand il arrive avec son chapeau, son papa sort de la brousse. De la poêle, il vient. Les collègues de son fils viennent le voir. Il se retrouve là entre collègues de l'université. Et ceux qui venaient de Lubumbashi. Et ceux qui venaient de Kinshasa. Ils se retrouvaient. Ils étaient assis. Lui, papa, yeah, baba. S'approche d'eux aussi. Il s'assoit là-bas. Quand il s'assoit, il croise ces gens. Il fait comme ça. Il n'entendait absolument rien. Il était un analphabète. Il Donc il ne connaissait ni écrire son nom. Mais pourquoi il faisait comme ça? C'est-à-dire qu'il était joyeux de voir son fils, lui qui était ridiculisé. Lui maintenant, il a un fils intellectuel parmi les intellectuels. Il parle français. Il était là en train de bouger sa tête. Il était en train de bouger sa tête. En train de bouger sa tête. Quand sa femme l'appelait, ah, c'est comme mon mari vient d'abord manger, non? Ah, c'est mon mari quoi? Rare de femme qui appelle leur mari. Karibu Kumeza. Ah, c'est Karibu Kumeza. Il a honte. Anashkiya. Nous sommes là. Umura, tu m'as tu coupé. Il faut chérir ton mari. Il n'a pas sa coupendeza, il n'a pas sa coupembele sa bonne. N'ayez jamais honte de chérir ton mari. Ah, bana kushikia aya ya kushikia kubembele sa bonne. C'est ton mari. Ni wako bwana. Toi qui es encore jeune, quand tu te marieras, il faut savoir chérir ton mari. Il n'a pas sa kuyua kubembele sa bonne. Tu vas t'asseoir là où elle est. Unekala pale pale yeko. Au nom des enfants sont là, mais oh, batoto beko hapo sasa. Quand tu vas t'asseoir à côté de ton mari. Kama unaenda ukala pembeni ya mume wako. C'est pas mal. Aina mbaye. Tu peux t'asseoir sur ses cuisses. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas un péché. Il faut chérir ton mari. Il n'a pas sa kubembeleza bwana yako. Pendant qu'il y a des démons dehors. Wakati kuma ndemo ingi. Quand il rentre chez lui. Kama nenda tu kwake. Ah mon mari, comment oh, ça bwana yangu, ça fait du bien à l'homme. Il n'a pas la femme vizuri kwa mwa, kwa mume. Ce n'est pas qu'il rentre. Aina pa wakati. Tu es dans ton coin. Mkoe yako. Il t'appelle. On a ah, ah, comme un chien, une ça, chienne. Ça, tu n'y oh, ha ya ha. Ah, monte. Ha ya ha. Monte. Alors, ça, ça. Ce garçon-là attrape un merveilleux travail. On n'a pas ta case mousouri ou le kiana. Comment? Le jour de leur proclamation. Chiku ya proclamation yabo. De leur collation de grade. Ya collation de grade yabo. C'est lui qui était. Premier, et il a fait une très grande distinction que les entreprises voulaient l'avoir. Plusieurs entreprises ont lui proposé quand il vient chez nous, nous allons te faire autant. Il a regardé les salaires et le type des entreprises. Il dit donc je veux aller chez Mars Afrique. Là, il est allé, il avait un gros salaire. La promesse qu'on lui a faite dans 6 mois, nous allons te promouvoir au grade de sous-directeur. Nous allons te loger à Gombe. Nous allons te confier une Jeep de service, mais crédit. Nous allons te donner du crédit pour que tu puisses bien t'asseoir. 6 mois après, il a eu une grosse Jeep. On lui a donné beaucoup d'argent. On lui a donné une grande maison meublée. Les lits, les matelas. Pendant la saison sèche, ça se chauffait avec de l'eau. Ça se chauffait avec les matelas. Donc on lui a mis dans une vie vraiment. Une bonne vie. Les échos sont arrivés chez son père. Son père, il avait toujours ça qui l'autre de l'abri. Il ne savait pas du pepso d'or. Il faut brosser le dent. Le parfum, n'en parlons même pas. Achète parfois le parfum pour ta femme. Ce n'est pas un péché. Ta femme a un bébé, mais il n'a même pas de parfum. Quand elle passe quelque part, elle sent l'odeur de bébé. Ah, vraiment? Quelle méchanceté. Mais les autres dehors, elles donnent, ils donnent de l'argent. Un bon donneur dehors. Mais chez lui, jamais. Oh, change, mon frère. Le papa dit, baba, ah, c'est, ah, j'ai eu trop d'échos que mon fils est marié. Ça va, je vais me préparer quand même. Ça, ça, je reste kumbi. Le papa. Niende, il a préparé le voyage anenda, safari, de chèvres, des huiles, tout ce qu'il pourra. Il est monté dans un grand véhicule. Il devait faire 2 jours de voyage. Quand ils sont arrivés, il avait l'adresse. Il montre au chauffeur taxi. Yo, à Gombe, je connais. Là-bas. Il s'est embarqué avec les affaires qu'il avait. Le chauffeur garde le numéro parce que lui ne connaissait même pas lui. Papa, c'est ici. Il a klaxonné, la police est sortie. Trois gaillards qui veillaient sur le directeur. Le chauffeur dit, c'est le papa de votre père. Il regarde, oui, oui. La morphologie, c'est vrai. Ils ont débarqué les histoires. Ils sont allés faire signe au directeur. Ton papa est là. C'est papa. Mon papa. Comment vous connaissez que son papa? Non, pas trop. La morphologie est même comme lui. D'ailleurs, quand nous l'avons entendu parler, c'est comme quand toi tu parles. Il a fait seulement comme ça. C'était à 12h, la pause de midi. À 12h30, il s'embarque dans sa jeep. Papa était à la guérite. À la guérite, où il était? Il était assis dans ses habitudes, il aime croiser ses gens. Il était là, avec sa main à la bouche, joyeux. Parce qu'il est un enfant. Qui a maintenant une vie élevée. L'enfant, dans sa jeep, il passe. Pendant qu'il passait, la police a donné les honneurs. Et il demande. C'est lui. Joye. Ah oui. Il voit, ah oui, c'est lui. Ah. On a ouvert la barrière. L'enfant est parti. Il doit être en retard. Il travaille, on doit le protéger. Le soir, il va s'occuper quand même de moi. Avec sa poussière. Avec sa poussière. Il dégageait. Parce qu'il ne s'est pas lavé. Les enfants, nous sommes là. Et après, le soir, il est rentré. Il pleuvait. La police lui a fait entrer dans l'air guérite. Il est en train de bailler. Quand quelqu'un fait comme ça, c'est un signe de quoi? C'est un signe de quoi? Il avait faim et la fatigue. Il somnolait là-bas. L'enfant est entré dans la maison. Le matin, le papa a veillé là-bas, à la guérite. Le matin, il voit la même jeep passer. La police dit, mais c'est vraiment ton fils. C'est moi son père. Il riait toujours. C'est moi son père. C'est moi qui l'a fait étudier. Ce n'est pas son oncle. C'est moi. Avec mes propres efforts. C'est mes pleins de cailloux. Pleins de cailloux. Sa figure de cicatrice parce que parfois il connaissait des accidents. Pour chercher les frais scolaires, les frais académiques de son enfant. Et bien après, sasa, le troisième jour, il appelle la police. Anaïta police. Dites à celui-là. Mumoneshe ule. Au lieu de dire, dites au papa. Pari à kusema, museme baba. Asema, mumoneshe ule. Asi, baba ya. Ton père, même s'il est de petite taille. Baba ya, c'est ton père. Ni paka baba yako. Ta mère. Mama yako. Même si elle est mince. Ataka c'est ta mère. Ni paka mama yako. Que tu dois honorer. Unapasha kuheshimia. Que tu dois respecter. Unapasha kuheshimia. Nous sommes là. Tuko pamoja. Parce que sans eux, tu ne seras pas ce que tu y es. Sans eux. Alors, il laisse le message. Je pars. Dites-le qu'il établisse la facture de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il parle le pétrole. Ils ont transmis le message. Ah, il demande la facture. Ah, ça, l'homme a facture. D'accord. Ok, ça va, Mzuri? Ça va. Ok. Le soir, Mangaribi. On l'a fait étudier dans une, entrer dans une chambre. On lui a donné un peu de nourriture dans une assiette comme ça. Il a mangé avec joie. Il s'est lavé. Ananawa. On a honoré les lits, orné les lits. Il y avait des draps. Il s'est mis au lit. Ananana. Le matin, l'enfant est parti au travail. Après, il est sorti. Mangaribi anato, le papa. Anatoka, baba anatoka. Quand il est sorti pour aller causer avec la police qui était devenue ses amis. La femme entre dans la chambre là pour arranger. Quand il ouvre la porte. Quelle odeur. Désagréable. Ça c'est quoi? Il regarde sur le lit. Il a crié. La police est allée. Qu'est-ce qui se passe? C'est un sorcier, c'est pas ah, ou papa ni mouloji, ou yun. À mon mari, que ton papa c'est Nirianza un sorcier. Sœur, pour ce motif, tu ne vas jamais visiter tes parents au village. Tu les traites de sorciers maintenant que tu es grand. Maintenant que tu travailles, tu les traites de sorciers. Tu écoutes ce que tu dis. Ce que dit ta femme. Ta femme te dirige maintenant. Que Dieu nous aide. Et après, Kisha, quand l'homme est rentré à la pause de midi, midi, la femme va. Mon mari, moi je te dis que ton papa là, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Anafanyani. Comme preuve. Viens voir. Il montre la chambre. Parce qu'il n'avait pas enlevé tout ce qui était sur lui. Ah! Et ça c'est grave. Ah, il m'a tata ça. Sœur, Dad, quand tu reçois quelqu'un chez toi, qui est du côté de ton mari. Il n'y a qu'une chose pour que tu sois admiré, que tu sois appelé une bonne femme, de lui donner à manger à temps. C'est tout. Donne-lui à manger, après il partira. Et quand il le sait, sois gentil. Mes soeurs peuvent dire amen. Prenez les modèles comme la sœur Annie Pascal. Permettez, il n'y a qu'elle qui va servir. Et ses enfants. Alors, les garçons sortent. Vieux, au lieu de dire papa. Vieux, toi tu appelles ton papa vieux. Oh! Ah, ya, ha! Ah, monte à toi. Ah. Alors, le papa approche. Mais pourquoi tu as fait ces choses? Il a commencé à blâmer son père. La Bible dit quand tu dois exhorter les vieilles personnes, il faut le faire avec douceur. Il voulait même le frapper. Il dit non mon fils, là. Sourire toujours aux lèvres de ses parents. Lentement. Tu m'as demandé la facture. Mais oui, c'est ça la facture. Je facture. C'est la première facture que je te donne. Facture ya kwanza mina kupa. Tu ignores que tu faisais caca sur mon lit. Tu faisais pipi sur mon lit. Tu faisais tous tes besoins sur moi, sur ta maman. Urianza kunifanyia mauchafu yote. Quand ta maman voulait parfois aller à l'église. Sasa ingine wakati alianza kupenda kwenda kunani. Urianza kumfanyia mauchafu. D'abord enlever encore ses habits. Il est passé mêlé à toucher les mambous. Tu ignores tout ça. On a sabou les mambous. C'est la première facture. Il n'y facture à quoi ça mina l'état. Ne te fâche pas. Apana kushirika. L'enfant est entré en lui. Mutoto akarudia ndani yake. Il se dit c'est une vérité. Asema, hii, ni kweli. Je viens de pécher contre mon père. Hii, mina tukia kutenda dhambi. L'enfant a crié à pleurer. Mutoto akalalamika na kuria. Il a commencé à pleurer. Akaanza kuria. Il voulait s'agenouiller. Son papa dit ne t'agenouille pas. Je reste ton père. Je reste ton père. Il a commencé à lui tapoter aux épaules. Je suis ton père. Si tu t'es trompé tout simplement. Tu pensais que j'étais un sorcier. Moi qui t'ai aidé de tout ça. Notre Seigneur a été qualifié comme sorcier. A été injurié de chef de démon. Malgré tout ce qu'il est venu faire pour nous. Nous l'avons considéré comme puni. Depuis que tu l'as appelé dans ta maison, tu l'as laissé depuis au coin du lit. Avec sa poussière, appelle ce matin et de dire: Seigneur, pardonne-moi, Pardonne-moi. Je suis que ton fils. Je suis que ta fille. Il est prêt à te pardonner. Ton père biologique, ta mère biologique, demande le pardon. Il te pardonnera. Que Dieu vous bénisse. Mon frère et ma soeur. Marc 10 dit, Marco 10 inasema, pour entrer au royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Il faut encore naître comme la question de Nicodème dans Jean 3. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître. Une nouvelle naissance. Tu dois changer. Tu dois changer. Toi qui n'as pas encore été baptisé dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pendant que la chorale va nous chanter. Pendant que la chorale va nous chanter. Une musique de méditation, une chanson de méditation. Toi qui n'as pas encore été baptisé. Si ton cœur est touché. C'est à toi de lever ta main. La grâce est devant toi. Combien tu as négligé le Seigneur? À chaque fois que tu commettais des choses infâmes, c'est à Jésus que tu les faisais. Mais il est prêt à te recevoir ce matin. Non seulement te recevoir, mais te pardonner, ma soeur. Tous ces avortements que tu as fait, tout ce que tu as commis de choses dans les ténèbres, Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Si tu crois de tout cœur, il veut laver ton cœur avec son sang avant que cela soit trop tard. Demain n'est pas pour toi. Cette semaine n'est pas pour toi. Mais si tu te réponds, le Seigneur est prêt à te pardonner. Si tu peux lever ta main, soit toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Si tu peux lever ta main pendant que la chorale nous chante, n'attends pas demain. Il y avait une femme. Quand nous l'avons parlé du Seigneur, elle dit non, non, je le ferai bien après. Un lundi, elle est partie au champ. Le mardi, elle est partie au champ. Le mercredi, chemin de retour. Un véhicule de grime. Pendant qu'il passait devant elle, les grimes saignent et ça tombe sur elle. Nous avons des grimes de diamètre de 2,50 m. Nous avons des grimes de diamètre de 1,70 m. Et cela est tombé sur cette femme qui disait que non, je viendrai après. Et c'était tard pour elle. La foi est pourtant l'attendait quelque part. C'est aujourd'hui le jour de la grâce, mon frère. C'est aujourd'hui le jour de la grâce, ma soeur. Pour que tu marches avec Dieu. Pour qu'il te protège jour et nuit. Pour qu'il lave ton âme. Pour que tu sois appelé ami de Dieu. Pourras-tu lever ta main? Nous allons prier pour toi. Toi qui veux se faire baptiser, qui veux prendre la décision, la vraie décision alors, qui veut se faire baptiser dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Tu es là, tu peux lever ta main. Ton cœur bat. C'est le Saint-Esprit qui fait battre ton cœur. Tu as la lutte maintenant. Pourrais-je lever ma main? Pourrais-je lever? Oui, lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma soeur. C'est la grâce que tu as. Combien d'accidents tu as volé que tu devais mourir? Mais Dieu t'a protégé. Combien de fois, ma soeur, tu devais aller accoucher? Tu devais mourir même. Mais Dieu t'a préservé la vie. Mais qu'est-ce que tu attends maintenant? Tu peux lever ta main, ma soeur. Tu peux lever ta main, mon frère. N'hésite pas au balcon. N'hésite pas. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'accorde la grâce. La grâce qui est gratuite. Pourras-tu lever ta main, mon frère? Ma soeur, pourras-tu lever ta main? C'est la grâce que Dieu te donne. Tu pourras lever ta main. C'est toi que nous attendons. Pendant que la chorale va chanter. C'est toi que nous attendons. C'est toi que nous attendons. Jésus-Christ était cloué à la croix. C'était pour toi. Pour que tu obtiennes le pardon. Le pardon de tous tes péchés. Peut-être tu peux te dire. Je veux bien être baptisé, mais avec mes amis que j'ai. Non, non, on va te donner un bon tenu. Nous avons de bons habits à laquelle on va te changer. Tu peux lever ta main, mon frère. Pendant que cette grâce, Dieu t'accorde. Pendant cette grâce que Dieu t'accorde, nous t'attendons. Nous t'attendons. N'écoute pas ce démon qui te dit attendez d'abord. Non. Vous pouvez vous lever, vous qui venez de lever vos mains. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous approcher. Pendant que l'Église acclame Dieu. Acclame notre Seigneur pour nos frères. Pendant que la chorale chante, nous vous attendons. Oui, sœur, pouvez-vous avancer? Pouvez-vous avancer? Frère, c'est toi que nous attendons encore. Acclamons notre Dieu encore. Pour notre Seigneur qui s'approche. Je veux entendre, Michel, quelle est la trompette là. Acclamons notre Dieu. Il y a deux frères qui s'avancent encore. Allô. Qui avance. Il y a un frère qui s'avance encore. Ma soeur, c'est toi que nous attendons. Toi, le cœur bat. C'est toi que nous attendons. Cette chanson qui chante, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, mon frère. C'est à cause de toi, ma soeur. Nous t'attendons. Je vois un frère qui se lève, une soeur qui se lève là. Je ne sais pas si elle vient pour le Seigneur. Pourras-tu lever ta main, mon frère? N'hésite pas. C'est une soeur qui s'approche au Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Je n'entends pas le Michel qui est à cause du Seigneur Jésus. Acclamons-le encore très fort. Frère, nous t'attendons. N'hésite pas. Ma soeur, nous t'attendons. Il y a une soeur qui s'amène encore. Acclamons-le encore, Seigneur. Oui, frère, c'est toi que nous attendons. La main puissante a sauvé et retombe. Oh, et tu tombes pour le temps. Allez-nous, les cœurs nous font. Nous t'attendons, mon frère. Nous t'attendons, ma soeur. Cette grâce. Ton cœur bouillonne. C'est Dieu qui fait bouillonner ton cœur là. Ne résiste pas. De grâce. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Nous chantons encore une fois à cause de toi. C'est toi que nous attendons. Le bien-aimé du Seigneur. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il est mort là à la croix à cause de toi. Attendons mon frère et ma soeur. N'hésite pas. Viens avec toutes les charges là que tu as. Le Seigneur va te les décharger. Sa main puissante va te tenir. Est-ce que je saurai quand je vais me faire baptiser? Oui. Oui. Il va te soutenir. Par les cœurs nouveaux. Nous allons prier. Pendant que le piano est en train de fredonner encore, nous t'accordons encore un petit temps. Toi, mon frère. Toi, mon frère, oui. C'est toi. Pour le cœur bas, c'est toi. Ma soeur, c'est bien toi. Ne rentre pas avec tous ces bagages que tu as. Cette charge que le diable t'a donnée. Il a rendu ton âme bizarre. Ton esprit sale. Tu as des mauvais témoignages au quartier. Jésus-Christ veut te délivrer. Il veut te tenir dans sa main puissante. Pendant que Frère José avance, pour prier de ses frères et sœurs qui n'ont pas eu honte de témoigner Jésus-Christ, il va prier. Et après, nous prierons pour les malades. Je ne ferai pas une ligne de prière, mais là où tu es, nous prierons pour les requêtes. Parce que José va prier. Dieu Tout-Puissant, de tout cœur, nous te disons merci. Merci pour la bonne parole qui a été apportée. Ça ne vient pas d'un homme. C'est toi qui nous as parlé. Et c'est toi qui as touché le cœur de ses frères et de toutes ses sœurs. Ce n'est pas à un appel d'un homme qu'ils ont répondu. C'est toi qui appelles. Amen. C'est toi qui les as convaincus. Amen. Et c'est toi qui as touché leur cœur. Puisque l'œuvre, c'est toi qui la commences dans le cœur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Merci Seigneur parce que tu connais les secrets de tout le cœur. Tu es celui qui connaît tout ce qui gravite dans nos cœurs et dans nos pensées. Et tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs. Puisse maintenant que chaque cœur qui a été touché puisse être ramené à la voie du salut. Amen. Puisse être ramené au pas de la parole. Seigneur, En particulier pour nos frères et nos sœurs qui sont devant ici. Permet que quand ils seront plongés dans l'eau, que le Saint-Esprit Seigneur déverse suffisamment sur eux toutes les bénédictions rédemptrices. Accorde-leur le Saint-Esprit. Amen. Accorde-leur une marche, Seigneur. Amen. Sainte et une crainte véritable puisse naître dans leur cœur jusqu'à ton retour. Guéris les malades, fortifie les affligés, Seigneur, et console, Seigneur, ceux qui dont le cœur sont brisés. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons encore notre Dieu. Je crois que les diacres vont s'occuper d'eux. Pendant que toi qui as une requête, tu vas te lever. Toi qui as une requête, tu vas te lever. Pendant que nos yeux sont fermés, pendant que nous murmurons le nom de Jésus-Christ. Tutashimama shibo tembele. Tutaomba pamoja. Na kumwisho mtumishi wa Mungu ataomba. Et à la fin le serviteur de Dieu. Tukunaomba shibo. Nous prions tous ensemble. Dieu tout puissant.